le désert depuis plus de 28 jours. Et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Et moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. L'UMP de Nicolas Sarkozy est vaincu. Le Front National de Marine Le Pen est vaincu. Je vous invite à soutenir comme un seul homme le candidat du changement, le candidat de 2012. J'ai nommé François Hollande. 2012 pour la démocratie. Pierre Moscovici. 2012 pour les socialistes. Aurélie Philippe Petit. Ensemble avec François Hollande. Solferino. La France avec François Hollande. On y va. Bonjour à tous. Épisode numéro 2 de Démocratie participative, aujourd'hui encore plus de participants. Alors je vais vous les présenter, si vous ne les connaissez pas déjà. Laurent Grozon, bonjour à toi Laurent. Bonjour. Derek, hein, notre ami du Sud. Salut tout le monde. Et Fulbert, lui, nous vient de Belgique. Bonjour. Et Gérardus, comment vas-tu? Bonjour à tous. Gringoy. Ça gaze. Bonsoir tout le monde. Bonsoir allez, tout le voilà, monde. Allez, voilà. Ça gaze. Jamais assez, mais ça gaze. Argal, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, ça va impec. Magdav. Salut, shalom, salam. Shalom, Magdav. Et Poporo, Porovic. Shabbat shalom. Alors, les amis, dans cette semaine encore une nouvelle fois chargée, on a eu... On a eu notre lot d'hémoglobine hein, et d'émotions, je pense qu'on peut le dire. Et je vous propose de commencer, là j'ai la liste un petit peu des sujets d'aujourd'hui, mais je crois qu'on va commencer un petit peu avec un truc un peu violent. Là, il y a eu quand même deux attentats bien saignants, un à Istanbul, donc en Turquie, et un autre pas plus tard qu'aujourd'hui au Bangladesh. À chaque fois, les ressortissants étrangers ciblés, dont les Européens, hein, je crois que là, pour ce qui concerne le Bangladesh. Je précise que ces attentats n'ont rien à voir avec l'islam. Hein, je le dis tout. Ah oui, pour ceux qui se trompaient, qui confondaient, c'est des amalgames quoi. L'extrémisme n'a pas de religion, hein, c'est mondialement connu. Hein, c'est, voilà. Sauf quand il est de droite. N'oubliez pas les extrémistes birmans. Dont les musulmans nous sortent les images là, la pour haine s'excuser, n'a pas de religion. Pour nous montrer qu'il y a des extrémistes de tous bords. Alors, sur celui du Bangladesh, là, qui s'est déroulé à la capitale... C'est les sionistes qui sont derrière. Attention, tout le temps. Systématiquement. Alors, pour le Bangladesh, je vais quand même juste donner quelques infos comme ça. Ça va nous permettre de nous mettre dans l'ambiance. Alors, ça s'est passé dans la capitale, dans le quartier des ambassades. Donc ça visait spécifiquement des ressortissants essentiellement occidentaux d'ailleurs. Alors ils ont tué surtout des Italiens et pour le coup des Japonais. Les pauvres Japonais n'ont pas de chance parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, ils sont plus ou moins pas loin. Et alors la police du Bangladesh a précisé que les victimes ont... Il y a 20 morts. Hein. Les victimes ont été éliminées à l'arme blanche, ce qui va nous rappeler le Bataclan en fait. Hein. À l'arme blanche, d'une façon particulièrement brutale, hein, dixit le chef de la police du Bangladesh. Attentat revendiqué par l'État islamique. Et la même semaine, je le disais, l'aéroport d'Istanbul, par où transitent aussi beaucoup d'Occidentaux, beaucoup d'Européens, qui a fait. Alors là, j'ai pas le bilan en tête, mais c'est aussi un bilan assez lourd, me semble-t-il. Hein. Si quelqu'un le sait, je l'ai plus le chiffre. 41 morts et un nombre aussi significatif de blessés. Alors messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire là, les progrès, les progrès sur le chemin d'Allah. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comme dirait Manuel Valls, il faut s'y habituer. Hein. Ouais, on est. Ouais, je crois que là, on a un rythme. Bah, pratiquement, là, c'est deux par semaine maintenant, sur l'échelle du globe. C'est à peu près ça. Hein. Moi, ce qui me choque, c'est j'ai regardé un petit peu, bon, par rapport au Bangladesh, je ne sais pas, mais l'attentat d'Istanbul, qui aurait été commandité par un chef tchétchène, et qui s'appelle Ahmed. Alors, ils s'appellent tous Ahmed Chataev. Et donc c'est des Tchétchènes, des blancs convertis à l'islam, enfin en tout cas des Slaves convertis à l'islam, et qui portent vraiment une barbe magnifique. On voit, on sent l'apport de l'islam adopté par ces Slaves. C'est pas des Slaves, voilà. Les Tchétchènes à proprement parler, c'est des populations caucasiennes, c'est un peu différent. Mais bon, ça reste des blancs. Très... Ouais, mais alors des populations extrêmement guerrières, parce que souvent on lit aux musulmans le côté lâche que peuvent avoir, c'est vrai, les sémites les mecs d'Arabie Saoudite, du Qatar et tout ça, qui ont plutôt l'air de baklava sur les pattes. Excuse-moi. Voilà. Mais ou le Maghreb aussi, voilà, on associe souvent la lâcheté aux musulmans. Par contre, là, on a affaire à des peuples extrêmement guerriers. C'est ce qui rend le truc encore plus dangereux, parce que là, c'est les Tchétchènes, j'ai pas tous les noms de ces peuples-là, mais c'est des peuples qui depuis là, ont réussi à exister avec deux trois bourdins, deux trois machettes. Quoi. Ils arrivent à s'en sortir, à mettre tout le monde à l'amende depuis des lustres. Donc, avec la folie d'Allah en plus, ça peut être des peuples extrêmement dangereux. Et vous avez vu qu'il y en a énormément dans les brigades de Daesh, quoi. Et dans les brigades. Les attentats suicides, c'est quand même en général des débiles légers qu'ils arrivent à manipuler pour aller se faire sauter. En général, les cerveaux, eux, sont un peu plus en retrait par rapport à ça. En général, voilà, ceux qui sont fait sauter à Paris, voilà, c'est des crétins, c'est des racailles de cité avec 80 QI. Faut pas croire non plus que c'est des grands stratèges qui vont directement sur le terrain. Peut-être les organisateurs, mais pas vraiment les débiles qui sont envoyés se faire sauter. Ouais, ils sont pas suffisamment cons pour gâcher les meilleurs de leurs mecs, enfin ceux qui sont racialement capables, on va dire, dans un attentat suicide qui peut foirer d'ailleurs, hein, parce que pour rappel quand même les attentats de Paris, il y en a un certain nombre qui sont fait exploser dans le vide. Hein, je veux dire autour du Stade de France. Oui. Ah oui, mais moi j'avais vu un reportage hallucinant, je sais pas si vous l'aviez vu, mais les soldats d'Allah, là, un reportage de Canal+, où on voyait que les premières recrues, enfin les recrues pouvaient être des pré-mongols, hein, des gens vraiment atteints, quoi, avec des QI à 75. Abdeslam, et qui croient vraiment qu'il y a 100 vierges qui les attendent en chair et en os, enfin qui sont ils sont vraiment dans un délire ultra-matérialiste qui est presque incompréhensible pour les gens qui sont dans la religion chrétienne ou dans la religion bouddhiste. Enfin, il y en a quand même moins. Oui, 72. Fulbert, c'est bien de le préciser. 72 vierges. Il faut être très précis sur les chiffres. Dont, d'ailleurs, il faut aussi préciser, le pucelage se reforme après la relation sexuelle au paradis. Ouais, c'est le côté très pieux de l'islam. C'est-à-dire que voilà, c'est des gens très pieux, donc comment est-ce que tu incites les gens à se convertir à cette religion, n'est-ce pas, très élevé spirituellement? C'est en leur disant, vous allez vous vider les couilles en permanence au paradis, quoi. Hein, seulement au paradis, vous allez picoler, également hein. dans les conquêtes territoriales, c'est-à-dire la conquête islamique temporelle sur Terre, on peut dire. On leur dit aussi qu'ils pourront se servir des captifs comme des esclaves sexuels. C'est-à-dire ça marche au paradis et également sur Terre. C'est la carotte qui peut avancer. Et ça, c'est daïchien ou c'est carrément coranique? Ah ouais, carrément. Ouais. Ah bah, c'est marqué dessus. C'est institutionnel. Hein, voilà. Donc, comment on motive des gens à s'élever spirituellement en leur disant vous allez vous vider les couilles toute la journée? Bah, en leur disant t'as un bordel personnel qui t'attend au paradis pour l'éternité. Quoi. Voilà, salut. Ouais, non mais ça fait marrer. Non mais c'est non mais c'est ça, ils ont pas le droit ici, c'est de picoler voilà, d'aller baiser à tout va, hein. Et leur paradis à eux, c'est en gros la société occidentale un petit peu décadente, on va dire, hein. C'est je sais pas si c'est même, je crois que leur paradis c'est un petit peu de la jaquette quelque part hein, sur les côtés. Ouais. Donc ouais. c'est alcool, pute. Donc pute avec l'hymen qui se reforme, lolidol. Et peut-être petit garçon quelque part pour nos amis afghans. Oui, c'est... Ah, il faut pas les oublier ça. Non, mais il y a aussi le fait que dans sa folie, le pouvoir musulman originel, disons, avait compris un truc, c'est la force de l'énergie sexuelle. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'en frustrant sexuellement les hommes qui convertissaient, sur les territoires qu'ils avaient conquis, ils pouvaient les motiver d'autant plus qu'en leur proposant une perspective de compensation qui était en fait, j'allais dire, une compensation proportionnelle à la frustration. C'est-à-dire que tu peux pas toucher une femme vierge ici, tu en auras 72 dans l'autre vie. Vous voyez ? Et dans des populations au Moyen-Âge, en Afrique du Nord ou dans la péninsule arabique, c'est pas étonnant que ça ait pu remporter un certain écho. Et c'est tellement évident, ça, c'est ce côté, la frustration sexuelle exacerbée quand tu vois même les petites racailles qu'on trouve dans les centres-villes de France qu'on a importé en France. C'est tellement évident cet aspect du rageux sexuel, quoi, mec qui ne demande que ça, qui ne cherche que ça. Quoi. Bah déjà, c'est en disant. Il y a la même survirilité exacerbée qu'on retrouve chez les homosexuels, en fait. Tu vois, l'aspect bodybuilding, les casquettes à l'envers, le temps agressif. Bah oui, ça dépend desquels, mais moi, je trouve quand même très tort. Enfin, je pense qu'ils n'iront pas très loin pour se faire enculer, même dans la vraie vie. Hein. Alors ça, je fais une aparté vite fait, parce que en creusant sur tous ces sujets, on en apprend beaucoup. Et là, c'est pratiquement de l'ethnologie. Hein. Et faut savoir un truc, c'est que dans le monde musulman, et à tout le moins dans le monde maghrébin, l'homme actif, c'est-à-dire l'homme qui encule le mec, n'est pas considéré comme un homosexuel, et ne se considère pas comme un homosexuel, parce qu'il est actif. Celui qui est l'homosexuel, c'est celui qui se fait sodomiser, en fait, et ça passe avec ça va de pair avec un jeu d'humiliation qui est très pervers, très sadique, et ça explique aussi pas mal de choses, quoi. Et donc il y a tout un jeu de domination. Ces gens-là ne connaissent véritablement pas le principe d'égalité entre individus. Hein. Et donc il y a le sadisme, voilà, la sodomie. Et faut savoir ça, quoi. C'est-à-dire que eux enculent, mais celui qui encule n'est pas un homosexuel. Bah, les biquettes sont contentes de le savoir, parce que c'est vrai que ça aurait pu. Bah il te dira. C'est la logique. Il te dirait, je ne suis pas zéophile, puisque c'est moi qui encule la biquette, c'est pas la biquette qui m'encule, tu vois. Tu comprends? Ben non, mais rigole pas, parce qu'il y a des mecs qui en sont là quand même. Alors, pour continuer justement sur ces attentats d'Istanbul, et là, on va faire en fait un chemin vers nos amis progressistes, les associations des droits de l'homme, qui sont, comme vous le savez, toujours sur la brèche pour défendre la veuve et l'orphelin. C'est que le cerveau qui s'appelait effectivement Ahmed Chataïev, donc de nationalité tchétchène, avait fui la Russie il y a 12 ans de ça pour se réfugier en Autriche, où en fait il s'est vu accorder le statut officiel de réfugié. Et on a eu même, je crois, Human Rights Watch qui a dit et qui a pris la défense de s'intéresser en disant qu'il était persécuté et réprimé en Russie par les sbires de Vladimir Poutine, ennemi universel de la démocratie et des droits de l'homme, et donc l'Autriche a accordé la protection à cet individu et a refusé pendant 12 longues années de l'extrader vers la Fédération de Russie qui, et ça c'est la presse qui le dit, qui considérait le Ahmed Chataïev comme étant le principal recruteur de langue russe pour le compte de l'État islamique. Donc, ces organisations de défense des droits de l'homme et parfois aussi de défense des migrants parce que c'est interchangeable, qui en fait sont les meilleurs alliés de l'islam le plus radical et le plus militant. Bah, c'est le point islamo-gauchisme de la semaine, quoi. Qu'une fois de plus, on vérifie qu'ils font le boulot pour la fange les plus radicales de l'islam. Human Rights Watch, à la base, c'est un truc, c'est complètement, je crois, c'est un truc à la base qui est du département d'État, je crois. C'est un truc de la CIA, tu vois. Et la CIA, pendant très longtemps, a soutenu les séparatistes tchétchènes pour faire chier les Russes. Sauf que peut-être que maintenant, ça commence à prendre notre tournure, ou alors je ne sais pas. Moi, ce que je crois, au-delà de ce cas particulier, c'est qu'en fait, il y a un tel nombre, il y a une telle masse d'étrangers, avec des frontières complètement poreuses, avec des contrôles douaniers inexistants ou très difficiles à mettre en place une fois qu'on a ouvert les frontières un peu partout, qu'en fait, association gauchiste ou pas, qui permet à un tel ou tel d'être réfugié, je crois qu'il est relativement facile pour n'importe quel citoyen du monde, employons le terme, de venir en Europe, de venir en France, d'arriver à trouver une filière. Je crois qu'ils ont que l'embarras du choix pour pouvoir venir en Europe, pour pouvoir s'organiser en Europe, pour pouvoir organiser des attentats en Europe ou ailleurs, enfin dans des pays en particulier qui ont aboli des frontières et qui sont pourris par l'invasion migratoire islamo-maghrébine, africaine. C'est hyper facile pour un arabe, pour un islamiste, pour un noir de se balader en Europe aujourd'hui. Et je crois que de par le nombre, de toute façon, les autorités de contrôle, s'il y en a encore, sont complètement dépassées. Voilà, c'est-à-dire de s'y balader, de venir y parasiter 6 mois, en logeant chez les cousins et tout ça, ça c'est, effectivement c'est très facile, c'est-à-dire circuler librement en Europe, c'est très facile, il n'y a pas besoin de se... Par contre, l'aide de l'ultra-gauchisme intervient à un niveau massif lorsque tu vois que quand même la France, c'est un pays où il y a énormément de paperasse, c'est un pays où sur le plan individuel, nous qui sommes des individus avec des QI à 3 chiffres, qui avons toujours évolué dans ce monde, on a malgré tout des difficultés au quotidien à obtenir ci, à obtenir ça, à obtenir telle aide, quand pour le coup on a le droit à certaines aides, enfin bref, passons, et on voit que eux, ils parviennent. Ils n'y parviennent pas par leur simple faculté d'adaptation, leur simple parasitisme inné ou des choses comme ça. Ils y parviennent parce qu'ils ont l'aide de tous les circuits ultra-gauchistes qui ont pénétré Pôle emploi et toutes les assistantes sociales sont presque toutes d'ultra-gauche, les éducateurs, tout ça. Et ils leur fournissent énormément d'aides auxquelles nous n'avons pas accès. C'est-à-dire que les gens, ils ont accès. Il y a des gens qui ont fait vraiment leur vocation, leur carrière professionnelle de nourrir des nègres et des métèques. Et d'ailleurs, Gandalf, peut-être ça nous amènera au sujet suivant, on verra, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui en font vraiment quelque chose de... Voilà, c'est leur croisade à eux. Alors oui, mais sur ce sujet très précis, là, des associations qui aident, j'ai discuté il n'y a pas tellement longtemps avec quelqu'un justement qui était proche d'organisations, en particulier de la CIMAD. Si vous ne connaissez pas la CIMAD, c'est une association qui vient en aide aux clandestins du tiers-monde. Mais la CIMAD est en cheville avec toujours les mêmes autres organisations similaires ou très proches, la cohorte des philanthropes. Et en discutant avec cette personne qui n'était pas proche de cette organisation, mais qui connaissait une personne qui était dans l'association, elle a eu le loisir d'en savoir plus sur les motivations, quoi. Et en fait, c'est du bénévolat très souvent, et c'est fait par des types d'extrême gauche. Et un des volontaires en question était un étudiant en droit, donc il devait vouloir faire soit magistrat, soit avocat plus tard. Et le type expliquait tranquillement, il dit si on fait pas le boulot, les fascistes vont gagner, donc il est hors de question qu'on leur laisse le même si c'est comme vider l'océan avec une cuillère, parce que évidemment le nombre de bamboulas qui déboule en France et ailleurs, il est juste faramineux, et au plan juridique c'est faut pas rêver, hein, je veux dire, les mecs pour défendre les dossiers de non-expulsion, etc., c'est au niveau paperasse, c'est massif quand même. Et les types, c'est que du bénévolat. Et les mecs faisaient ça le soir, c'est-à-dire que les types s'est tapé des journées d'études et le soir ils en rajoutaient encore 4 heures, 5 heures sur des dossiers pour aider des putains de nègres qui, dans 10 ans, viendront violer ou poignarder leur gamine, tu vois. Et il faut bien comprendre qu'on a affaire à des croisés du droit de l'homisme, névropathe, quoi. C'est l'essentiel des cadres de ces organisations, l'essentiel. Et je suis certain que ce cerveau islamiste en question, outre les protections dont il a bénéficié au niveau de Bruxelles et au niveau de, des pays d'Europe de l'Ouest contre la Russie, a eu au quotidien des crapules d'extrême gauche pour le protéger et qui ont fait ça, et c'est le pire, de bonne foi, avec le zèle du religieux, quoi. On a des gens fanatisés. Ils sont absolument, ils n'ont aucune limite. Hein. C'est-à-dire que quand moi là, je parlais de Pôle Emploi pour bien comprendre comment ces gens-là fonctionnent. En fait, il y a à Pôle Emploi des aides pour devenir des bons Français, où ils apprennent quel papier il faut remplir pour telle aide, quel papier ou pour les HLM, ainsi de suite. Quelques cours sommaires de français, il y a quelques cours sommaires de droit français, leur apprendre à pas violer les petites gamines en place publique, pas lapider les femmes, etc., etc. Et ouais. Ça, en fait, ces cours auxquels les immigrés ont le droit, on leur apprend aussi, enfin, on leur donne en fait entre les mains toutes les choses pour pouvoir accéder à des choses auxquelles nous, par exemple, des Français pauvres, pour accéder aux HLM, c'est des listes d'attente qui te dégoûtent. C'est des listes d'attente qui font que de toute façon, tu seras obligé de trouver un autre logement. Ensuite, tu auras trouvé un autre logement, tu auras trouvé les moyens de payer l'autre logement et puis finalement, tu n'auras pas accès aux HLM. Bon, c'est pour le mieux aussi, parce que vu ce que sont devenus les HLM, je souhaite à aucun Européen d'y vivre. Mais eux, ils ont sans arrêt accès, sans aucune difficulté. Sont préparés d'avance, quoi. Ils ont des gens qui leur mâchent le travail. Et sans ces gens, il ne faut pas croire que la partie serait facile pour eux. Parce que la vie en France est devenue difficile sur le plan individuel. Elle serait difficile pour eux, comme elle l'est pour nous, comme elle l'est pour tout le monde. C'est pas difficile, c'est pas facile de travailler. Dans ces associations, j'allais dire, il y a aussi, parce qu'on parle des jeunes étudiants en droit, dans toutes les trucs, toutes les associations d'aide aux sans-papiers, gna, aux réfugiés, il y a aussi des vieilles divorcées. Hein, qui cherche à se faire putain de cul. Non mais c'est juste, c'est dégueulasse quoi. C'est-à-dire, c'est juste. Alors attendez. Ça suinte quoi. Alors moi je suis au jus de ça parce que je suis au jus là-dessus parce que j'ai étudié le dossier de très près. Je peux vous dire que si c'est pas la moitié, c'est les trois quarts des militants de terrain. Ils sont pas très nombreux, hein, mais ils sont vraiment tenaces. Qui défendent les bamboulas, les clandos, etc. C'est des gens qui viennent de l'éducation nationale, hein. C'est des profs et j'ai des profs au féminin, hein. Très majoritairement. Hein. Ouais, des vieilles chouettes aux vagins complètement desséchés qui n'ont pas vu de depuis je ne sais pas combien de temps quoi. Ouais bah depuis qu'elles sont rentrées à l'éducation nationale donc. Et ça. Leur voyage au Sénégal. Non mais c'est-à-dire que vous voyez, on parlait des soldats d'Allah qui avançaient sur le chemin, n'est-ce pas, de la salvation par justement de la pureté spirituelle. Voilà, enfin surtout par la promesse de quelques chattes attirées au paradis. Il y a d'autres, si vous voulez, ça passe par d'autres chemins, mais c'est un peu la même chose, quoi. C'est par quelques verges. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça le moteur quand même. À chaque fois, on retrouve la thématique sexuelle un petit peu quand même, surtout ces tarés. Ça nous permet d'enchaîner sur un truc glauque de cette semaine, un autre fait divers, mais tout s'emboîte hein, malheureusement. C'est le directeur des Restos du Cœur de Montreuil qui a été poignardé au cri de Allah Akbar. Alors je donne quand même quelques détails. Donc ce responsable a été violemment agressé le vendredi, il y a une semaine, c'est ça, hein, si je ne m'abuse. Et qui a été agressé par un couple de musulmans à l'arme blanche assez tôt le matin. Le couple donc aurait crié en l'agressant Allah Akbar, chien d'infidèle. Et quand l'homme a essayé de l'assassiner avec une hache, il a réussi à esquiver. Et la femme, enfin si on veut, la moukère voilée est venue par derrière en essayant de le finir à coup de poignard, à coup de sur. Et là, on est encore sur. C'était un petit peu pour ça que je voulais en parler. C'est que on parlait des associations des droits de l'homiste qui voulaient venir en aide à la veuve et à l'orphelin, surtout hein, s'ils viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient. Et visiblement, ça va pas dans les deux sens cette affaire. Est-ce que vous avez entendu parler de ce fait? Pour les. Ouais, marrant parce qu'il y a, alors il y a un an ou deux, hein, je sais plus si c'était en Bretagne, c'était les éleveurs de porc qui avaient fait une fête, hein, la fête du cochon, hein, comme d'habitude, il y en a un petit peu partout. Et donc ils avaient fait une espèce de tombola, une loterie, dans laquelle voilà, ils avaient prévu de donner des sous, hein, je crois qu'il y avait 40 000 euros, il me semble, hein, enfin c'était, il y avait plusieurs milliers d'euros, c'est certain. Voilà, c'était quand même quelque chose d'assez sympathique. Donc, à destination, voilà, des dons financiers pour les Restos du Cœur, qui, les Restos du Cœur qui ont refusé, hein, parce que les producteurs de porc, voilà, quelque part, tu vois, ça fait du commerce de viande haram, tu vois. Donc, c'est illégal au niveau islamique. Donc, il n'aurait pas fallu choquer nos amis musulmans, hein, nos amis musulmans, qui sont beaucoup, très représentés voilà, parmi la clientèle de cette association. Hein. Mais, voilà, donc, concernant le type qui s'est fait suriner en, je crois que c'est en Seine-Saint-Denis, c'est bien ça. Je pense qu'en fait, c'est au-delà, bon, ils transforment souvent leurs agressions en revendications religieuses. Ils ont dû réclamer plus qu'ils leur donnaient et qu'il y a dû y avoir une sorte de conflit comme sur un souk entre avec le couple de tarés maghrébins et qui ont menacé le type comme font les maghrébins. Et puis bon, vu qu'ils se sentent en position de force en Seine-Saint-Denis parce qu'ils sont ultra majoritaires et que le méchant blanc voulait pas leur donner ce qu'il voulait, bah, ils l'ont suriné. Je crois que bon. Je ne vais pas faire le journaliste de gauche en disant ça n'a rien à voir avec l'islam, mais je pense que c'est juste une sorte de règlement de raclure afro-maghrébine. Alors, qui ont effectivement, il est à noter que ce monsieur avait effectivement déjà porté plainte en avril parce qu'il avait reçu une lettre de menace anonyme. C'est une info qui a été révélée par BFM TV. Et apparemment, c'était un courrier en forme de cercueil. Et le message était le suivant, je cite « Sale franc-maçon, tu es un mécréant, sale français, chien infidèle qui refuse d'aider nos frères musulmans, on va te tuer, Allahu Akbar. » C'était un franc-maçon, le mec, il a été assassiné à cause d'une vidéo Salim Laïbi. Il était accusé d'être franc-maçon. L'était-il, je ne sais pas. C'est peut-être des militants d'égalité et réconciliation. C'est ça. J'ai bien, je ne sais pas. Enfin, moi, je tiens quand même à attirer à votre attention sur vraiment les... Vous imaginez la scène, c'est-à-dire que, alors je pense que ça vient du Figaro, je ne sais plus exactement quel journal, mais alors l'homme aurait d'abord tenté de porter un coup de hache à sa victime, qu'il aurait paré, et la lame de l'arme se serait fichée dans un meuble. Profitant de la confusion, la femme lui aurait alors porté trois coups de couteau à l'abdomen. C'est-à-dire que t'as Momo qui arrive avec sa hache, il rate son coup, ça part dans une armoire. Et là-dessus, t'as Fatima, tu vois, derrière, peut-être avec son voile, on sait pas, voilà, qui arrive tac, tac, tac, avec son couteau. C'est complètement surréaliste. Je ne dis pas le contraire, mais faut vous imaginer la scène, quoi. C'est-à-dire que là, on est en France. C'est la France. Ouais, mais en même temps, il faut que l'âme. Est-ce que d'après vous, double lame. Est-ce que vous pensez que Ploncard Lassac est satisfait de cette marque de résistance quand même au complot maçonnique? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il aurait préféré que ce fût Henri de Lestien qui soit agressé. Mais... Ah ouais, non, mais attendez. Là, Gérardus nous zappe quand même une info qui n'est pas piquée des hannetons, parce que ça veut dire qu'il y a quand même une sous-culture qui est à l'œuvre. Et qui est très hexagonale, si on veut, quoi. Elle est d'importation, mais elle est hexagonale. Avec le mélange, en fait, entre, effectivement, comme tu l'as dit, Argaël, d'embrouille classique de maghrébin qui veut plus qu'on lui devait, bien qu'on lui doive rien, mais voilà, qui se transforme en revendication religieuse. Et sur ces entrefaites arrive le complotisme. Alors, j'ai rien contre les gens qui... Ouais, mais là, faut faire gaffe. Non, excuse-moi, non, j'ai rien contre les gens qui veulent débusquer des conjurations. Mais enfin, je veux dire, subodorer qu'il y ait une conjuration maçonnique dans un type qui distribue des boîtes de sardines à des maghrébins pour le reste du cœur, je pense qu'il se passe quelque chose. Mais bien sûr, c'est une accusation. Non, mais là par contre, il faut faire gaffe parce qu'il y a une certaine congruence entre tes propos et ceux de Gilles Kepel. Si tu veux l'appartenance de ce genre de personnage au Grand Orient de France, ça choquerait personne non plus, tu vois. la personne fasse non, ça justement dans une optique d'aider. Le mec qui distribue des boîtes de conserve à des Arabes, c'est tout. Bah non, c'était quand même le directeur des Restos du Cœur, c'était pas juste le petit bénévole de base. C'est pas très reluisant non plus, hein, je veux dire. Oui, mais bon, tu peux imaginer que ce soit ce genre de personnage qui se la joue philanthrope en distribuant. Alors des du coup, je pense pas qu'il y ait personne ici qui verse une larme. Non, ça va. Pourquoi il est mort? Non, il est pas mort. Disons, c'est quand même bon, même si effectivement c'est pas le genre de personnage qu'on porte dans notre cœur. C'est vrai que quand même, imaginez, parce que comme je disais, voilà, on est en France, hein, c'est-à-dire que Momo qui arrive avec sa hache, Fatima derrière avec son couteau, quoi. Enfin, c'est vraiment bon. Est-ce qu'on doit en même temps pas verser de larmes, en même temps est-ce qu'on doit se réjouir de ça? Je ne sais pas. Bah écoutez, ça fait le pivot. Alors d'abord, moi je voulais juste dire un truc, c'est que on dit c'est pas l'islam, etc. Bon, c'est pas pour parler du refrain qu'on nous sert, mais en fait c'est ça l'islam concret, l'islam opératif. C'est l'Algérie depuis toujours. Je veux dire les razzias, les barbaresques, a toujours été. C'est ça. La rapine. Voilà, c'est la rapine. Voilà. Le mec, on lui donne tout. Tu sais, puis je sais pas, le mec devait faire du commerce, je ne sais rien. Donc on lui a donné une boîte de sardines en moins. Et le mec, ouais, tu es un franc-maçon. C'est un avis qui a dû se passer, c'est que le mec dans son colis, tu vois, il devait y avoir une tranche de jambon et tout. Et moi je connais une personne qui est bénévole au Secours Populaire, je crois, et il s'étonnait de manière très naïve que les musulmans refusent les denrées à base de porc, et il s'étonnait encore plus qu'ils s'offusquent que on ne remplace pas les denrées à base de porc par autre chose. C'est-à-dire qu'ils aimeraient, en fait, qu'on retire la tranche de jambon et puis qu'en échange, on leur file des sardines, quoi. Bah, il arrive après la guerre, hein, ton collègue, hein. Enfin. C'est drôle, quand même. Et non, encore, non, mais, parce que les sardines, elles aient la gueule tournée vers la Mecque quand l'assiette est servie. Ouais, voilà. Les mecs des Restos du Cœur, ils ont tellement peur que les musulmans fassent n'importe quoi. Ils refusent de l'argent des producteurs de porc, c'est même pas de la bouffe. La bouffe, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus au Resto du Cœur, hein, du porc. Hein. Là, c'est la charia. C'est comme. Genre, quand tu dis ils ont peur qu'ils fassent n'importe quoi, tu penses à quoi? Genre des coups de hache Ouais, des coups de hache avec Belphégor qui arrive avec sa petite lame pour te finir. Quoi. Ouais, ouais. Avec quel point c'est simple. On a dépassé la question du porc. Enfin, de l'argent ou de la bouffe au Resto du Cœur. Il faut être complètement malade pour filer aux associations pour émigrer comme ça. Ah oui, ils savent pas que c'est pas. Non, mais attendez. Je lance un appel solennel, le Nordon. Peut-être rien, dans ta Bretagne, voilà. Peut-être les gens ne le savent pas, mais je peux te dire qu'en France, on sait très bien que ces associations nourrissent les parasites de cette société, quoi. Ça nourrit plus du tout. Non, mais d'accord. Moi, je vous le dis, non, mais... les Gaulois qui crèvent la dalle, ils sont tellement dans la honte et tout, qu'ils crèvent la dalle tout au fond, tout seul, isolé. Il y a personne qui les aide, quoi. Tout ça, c'est des aides pour parasites, c'est des mecs. Une fois, je faisais mes courses, je passe à la caisse, et la caissière me demande « Est-ce que vous voulez que je mette 1 € en plus sur votre ticket, c'est pour les Restos du Cœur ?» Alors déjà, le sorte de mendicité agressive, c'est insupportable. Et je lui dis « Non, bah, elle a dû être contente après de m'avoir dit ça. » Enfin, j'ai gueulé comme un putois en disant que je donnais qu'aux Français et pas aux associations pour faire venir les Noirs et les Arabes en France. Enfin bon, bref, je gueulais ça dans la caisse, genre petit scandale. Mais c'est hallucinant. Et le nombre de gens qui doivent penser comme moi, mais qui ont dû quand même filer 1 € parce que notre poufiasse de caissière te demande ça devant tout le monde, pour le peu qu'il y ait des Noirs et des Arabes dans le coin, enfin peu importe. Mais les gens se sentent obligés de filer 1 € à ces enfoirés des Restos du Cœur. Non, puis ouais. Des fois, ils arrivent à quand même à choper une petite bonasse, une petite bachelière de 18 ans qui est dans l'illusion, la fille d'une gauchiste, la fille d'une 68arde, tu vois, qui est encore un petit peu propre, qui a pas encore divorcé avec la douche, et puis elle te distribue des tracts, tu vois, et puis tout le monde s'arrête. Ils sont agressifs. Hein. Bah moi, je me souviens avoir fait les courses une fois un samedi matin, et en fait, ils te distribuent. En fait, c'est-à-dire que maintenant, c'est même plus les gens qui donnent ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire qu'ils distribuent des sortes de petites listes de courses avec ce dont ils ont besoin. Et effectivement, ils évitent. Ils évitent de manière assez habile, en gros, sur la liste de courses, tout ce qui est denrées, en fait, à base de viande tout court. Parce que faudrait pas non plus, tu vois, que tu donnes des raviolis de bœuf et qu'en plus ce soit pas halal, quoi, même si c'est du bœuf. Déjà, ça, c'est limite. Ouais, mais ils font leur petit plus de course et tout, et en gros, c'est eux qui réclament, quoi. C'est-à-dire que c'est même plus les gens qui donnent d'eux-mêmes quelque chose, quoi. C'est impressionnant. Bah, je veux dire, vous avez vu le matraquage qu'il y a dessus, je veux dire, les enfoirés, bon, vous allez dire, mais non, mais c'est rien, personne. Ça marche encore chez les gens, faut pas le sous-estimer. Et les gens se disent, et en plus, il y a un truc, ça, c'est un vrai phénomène, ça. Et en particulier avec les gamins et les ados. Bien sûr, mais surtout, quand vous donnez quelque chose, vous vous dites, le réflexe humain, quoi. Bah, si je donne un truc, ça va être donné, allez, maximum 20 km plus loin. C'est-à-dire que, en fait, voilà, c'est circuit court et tout, machin, etc. Mais en fait, les gens sont pas du tout au courant comment ça fonctionne. Ils savent pas qu'ils sont en train d'alimenter les... Écoutez, personnellement... Ouais, alors là... Attends, simplement. Moi, j'ai vu comment ça marchait quand j'étais à Nantes. J'en dirais pas plus, voilà, mais ça fait très longtemps, ça fait une dizaine d'années. Parce qu'il se trouvait que là où j'habitais, juste derrière, il y avait un centre des Restos du Cœur. Non, c'était Secours Populaire, donc c'était les communistes. Et bah, j'arrivais le matin, il y avait la queue, quoi. Et puis, moi, je regardais ça. Alors déjà, à l'époque, j'étais moyennement pour le multiculturalisme, déjà. Mais alors là, ça vous vaccine, franchement. Il y avait que des négresses en boubou. Des négresses en boubou avec toutes leurs bordées de chiards, quoi. En train de faire la queue, quoi. Avec des braves communistes, voilà, qui avaient raclé je ne sais pas combien de sacs de riz, je ne sais où, et tous les matins, voilà. C'est... Et quand tu vois ça avec marqué en grand Secours Populaire, et leur arrogance aussi, ils sont très arrogants les Noirs et les Arabes qui viennent chercher. Bah tout leur est dû. Mais moi je vais faire quand même une petite analyse pour pas mettre toute la France dans cette mélasse. Faut quand même bien dire que c'est une génération qui s'est isolée dans cette merde et qui sera la honte de l'histoire, qui sera la honte, une honte face à l'histoire à cause de cette merde qu'ils ont fait. C'est la génération qui a entre 50 et 70 ans. Regardez-les tous. C'est vraiment eux, si vous voulez, ils ont profité de toute la merde qu'on a fait. C'est-à-dire cette inconséquence avec laquelle on a vécu en se souciant de rien, multiculturalisme, blabla, les nouvelles frontières, les vacances au Sénégal, toute cette merde. Eux, ils s'en sont repus et ils ne veulent pas aujourd'hui voir à quel point ils ont souillé ce monde. Donc pour ne pas le voir, pour se laver la conscience, ils sont obligés de se racheter en donnant comme ça deux, trois trucs humanitaires. Donc c'est leur dernier recours pour encore se croire un petit peu propre, parce qu'ils savent très bien que le monde qui est dans lequel on est aujourd'hui, c'est le monde qu'on hérite de cette génération pourrie, puisque les années 60, tout était bien, c'était un monde en reconstruction avec encore des valeurs traditionnelles, des gens potables, des gens décents, il n'y avait pas d'islamisme, il n'y avait pas d'immigration massive, il n'y avait pas les gens jouaient à la pétanque au centre du village, donc tout se passait bien. Donc là, en l'espace de 40 ans, ces gros connards, ces gros tas de merde ont tout sacrifié. Et pour ne pas le voir, ils sont obligés de se nettoyer la conscience avec ces petits trucs caritatifs à la mort moi là. Tu sais, tu sous-estimes beaucoup, j'en parle souvent, hein, mais tu sous-estimes beaucoup le moralisme narcissique de ces gens. Quand ils font ça, c'est d'abord pour se donner un air. C'est pour se faire du bien à l'ego, hein. Faut pas oublier ça. Hein. C'est pour signaler leur auteur moral, le faire pour eux-mêmes, autour d'eux, etc. Ouais. Et c'est un phénomène, il faudra que je retrouve l'étude, hein. Mais c'est un phénomène qui a été analysé, je ne sais plus où, il y a une étude qui a été faite là-dessus, et ça fonctionne véritablement comme de la drogue. C'est-à-dire que les gens qui font ça sont en train de s'envoyer, c'est des hormones, des réactions chimiques dans le système, ils sont en train de s'envoyer en fait des hormones qui font qu'ils se sentent bien, et comme tout phénomène addictif, il y a un phénomène de... il faut augmenter les doses, quoi, c'est-à-dire qu'au début, voilà, et puis plus tu le fais, plus tu as envie de le faire, etc., et puis il faut le faire de façon de plus en plus intense, il faut signaler de plus en plus, et c'est un vrai phénomène... Cette habitude de signaler comme ça sa hauteur morale pour bien montrer qu'on soutient les réfugiés, qu'on est ouvert à l'étranger, qu'on est gentil, etc. C'est un vrai phénomène de cam. Enfin, c'est des gens qui se droguent. Mais en fait, c'est la BA. Leurs chaussettes, quoi. C'est vrai. Hein. Plus facile qu'en général, ils ont suffisamment d'argent pour vivre dans des zones relativement protégées, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... une sorte d'humanitaire permanent pour se donner bonne conscience ou pour se faire comme se faire un fixe, comme tu l'expliques. Mais en plus, ils n'ont pas les désagréments. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, voilà, ils font leur petite part disons, comme on dit dans la religion catholique, en fait, ils font comme on fait l'aumône aux pauvres. Là, bon, ils font l'aumône aux réfugiés, ils donnent bonne conscience. Et d'un autre côté, ils n'ont pas en plus à supporter la merde qu'ils installent, qu'ils ont été venus à installer. Bah ça, c'est un truc qui est amusant, justement, parce que pendant très longtemps, tu sais, les antiracistes, les associations ont toujours dit que les gens étaient racistes, étaient xénophobes, parce qu'ils ne se mélangeaient pas, hein, donc parce qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas au contact, alors il fallait créer de la mixité sociale, raciale, etc., il fallait métisser, tout ça. Et en fait, on se rend compte quelques années après, et maintenant, il y a des études qui le confirment, notamment aux États-Unis, mais bon, j'imagine qu'on peut en trouver ailleurs, où il est démontré scientifiquement maintenant que ce sont les gens qui sont le plus exposés, qui sont le plus mis au contact de la diversité, c'est-à-dire des nègres et des métèques, etc., qui deviennent le plus racistes, xénophobes, etc., etc. C'est-à-dire, tout simplement, ils ne peuvent pas les supporter, parce que voilà, hein, tout simplement, ce n'est pas les mêmes civilisations, ce n'est pas les mêmes populations, et à un moment, il y a un... Voilà, il y a une séparation. D'où le vote PACA en France. Mais depuis très longtemps, on nous vendait l'idée selon laquelle, voilà, il fallait, pour être plus ouvert et plus tolérant, n'est-ce pas, il fallait s'exposer à la vie. Alors qu'en fait, le phénomène, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ne voient jamais au quotidien la diversité, etc., etc., qui sont le plus tolérants, et les gens qui y sont exposés, eux rejettent ça en général mécaniquement au bout d'un certain temps. Oui, tout à fait. De toute manière, la sociologie pour le voir, mais je suis sûr qu'en sociologie politique dans les universités, ça ne doit pas être étudié de la même façon. Disons que la dynamique du vivre ensemble, ça arrive très vite au survivre avec, hein, quand même. Ah oui, absolument. Non, en fait, il y a un effet de seuil, c'est-à-dire que effectivement, quand il n'y a absolument pas d'immigration, une immigration qui est très très qualitative. Il n'y a pas forcément raison d'être xénophobe entre guillemets. Par contre, effectivement, quand ça arrive petit à petit, et on le voit de toute manière avec les cartes en France, hein, c'est-à-dire que plus il y a d'immigration, plus on commence à voter FN, mais quand il commence à avoir trop d'immigration, il n'y a plus de blanc. Il ne reste plus que les débris communistes dont on parlait tout à l'heure. Donc à partir d'un moment, la tendance se renverse. Et effectivement, quand il y a beaucoup d'immigrés, on vote plus Front National, on vote plus Trump. Ah ouais, ça, tu m'étonnes. Donc en fait, et on arrive dans l'ethnomathématique, à la Bernard Leblanc. Laurent Grozon nous dit en fait qu'il existerait donc une addiction aux nègres, en quelque sorte. Bah, je ne sais pas si c'est une addiction aux nègres, mais c'est une addiction au fait de signaler son amour pour les nègres, ouais. De signaler son amour pour l'étranger, etc. etc. Et effectivement, oui, c'est un phénomène addictif. Hein. Ça, c'est vrai. Ça ressemble au fanatisme religieux. Hein. Ça ressemble vraiment au fanatisme religieux. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est une version... Tu as les musulmans, je crois que c'est le frère de Tariq Ramadan qui en est un des représentants, tu vois, pour signaler leur piété, tu vois, qu'ils font leur prière, ils se frottent la tête, tu vois, sur le tapis de prière, pour avoir une bosse, une espèce de corne sur le front, tu vois, et voilà, ça signifie qu'ils font bien leur prière, que ce sont des bons musulmans. Ils montrent à tout le monde, ils signalent, tu vois, ils signalent leur hauteur morale à tout le monde, quoi. Et pour les blancs, la même chose. Tu peux te signer avec de l'eau bouillante. Pour les blancs, c'est un peu une version dévoyée de la religion chrétienne, c'est-à-dire une version dévoyée de la charité chrétienne, où on en fait des tonnes, n'est-ce pas, pour signaler sa générosité, son ouverture, etc. Et c'est effectivement, ça fonctionne grosso modo selon le principe religieux, quoi. Mais une version effectivement dévoyée. Sécularisée, quoi. Et qui mène à la favela avec des nègres et des boulots. Sauf que la différence, Laurent Grozon, c'est que dans la religion chrétienne, en tout cas dans la Bible, dans les évangiles, la véritable charité chrétienne est anonyme. Faudrait que je retrouve ce passage. Tout à fait. Elle est anonyme. La vraie charité chrétienne, elle est tu veux dire qu'elle est sous pseudo, en fait. Non, elle est même anonyme. Enfin, je sais pas, c'est pas... Il n'est pas hors ça, de question de se vanter de sa charité. C'est la... c'est de la vanité. C'est dit, hein, que ta justice ne se voit pas, etc. Ouais, mais du coup, ça perd justement de la satisfaction que ces gens-là en retirent, qui est précisément de le montrer. Et de... Qu'en pense notre ami Bergoglio? Ah, bah... ah, ça nous amènerait sur des sujets. Il faudrait peut-être faire une émission entière. Enfin, ça ferait long quand même. Enfin, il y aurait de quoi faire une bonne demi-heure sur, ah, au moins. Sur le sujet, ouais. Non, mais pour juste en passant vite fait, puisqu'on parle justement de l'aide sociale accordée finalement aux Maghrébins, aux Noirs, aux Moyen-Orientaux, aux Turcs. Vous m'épargnerez toutes les autres espèces parce que je ne les connais pas toutes. Mais c'est que la charité, c'est un acte volontaire et privé, particulier. Ce n'est pas un acte qui est décidé par l'État. Parce que s'il est décidé par l'État, moyennant l'État social, par définition, l'assistanat, c'est en prenant l'argent du contribuable sans lui demander son avis sur l'utilisation. Et là, c'est l'inverse de la charité. Et il y a plein d'idées arrêtées sur le sujet, parce qu'on aime bien utiliser en fait des poncifs sur la religion chrétienne pour les retourner contre les populations autochtones qui, qu'elles soient croyantes ou pas croyantes, mais qui peuvent avoir un passé chrétien ou même un présent chrétien, pour les neutraliser, les empêcher de résister à l'invasion, et simplement en 3 minutes c'est plié cette affaire. Et donc c'est bien ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi Gérardus, comme tu l'as bien fait remarquer, je veux dire une charité dont on se vante est par définition une vanité qui est donc l'opposé de la charité. Sachant que les grands musulmans philanthropes se frottent le cal, hein, donc l'excroissance de corne, à la pierre ponce, pour bien montrer à quel point ils sont pieux et charitables. Ah non, il faut que ce soit rugueux, quoi, d'accord. La charité dans les... Parce que c'est une obligation, soi-disant, du croyant dans le monde musulman, d'accord, formidable. On compte encore le nombre de Syriens qu'ils ont accepté en Arabie Saoudite ou au Qatar, hein. Entre nous soit dit, quoi. Je veux dire, on est en train de nous expliquer qu'on va repeupler. Je pense à Jean-Pierre Raffarin, d'ailleurs, qui vit dans un château particulier, d'ailleurs, et qui nous explique qu'on va repeupler les campagnes avec des Syriens, des Irakiens, etc. Tous ces gens gavés de pognon, qui bouffent d'ailleurs et qui s'entendent comme larrons en foire avec tous les princes du Golfe, ils nous ont jamais expliqué que les mecs du Golfe, ils ont jamais accepté un seul pouilleux de Syrie ou d'Irak. Hein. Alors, il y a un dirigeant du Qatar qui avait déclaré tout à fait ouvertement, sans complexe, que en fait, ils étaient trop sous-développés pour pouvoir s'épanouir au Qatar et que donc ils n'en voulaient pas. Donc ils voulaient pas de sous-développer chez eux parce que en fait, le Qatar ne pouvait pas accueillir ce genre de population qu'ils estimaient inférieure à la leur. Bon, enfin bon, c'est con parce que le bon sens parle au Qatar et parle pas en France. Ça serait pas du suprémacisme racial qatari. Ouais, du coup, je vais citer la source, hein, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice au regard des hommes pour être vu d'eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Et ben voilà. On va expliquer ça à un arabe ou un gauchiste. Bon, ben là, l'arabe, il est musulman, donc le problème est résolu, et le gauchiste, il est athée. Bon, ben, voilà. Par contre, c'est plus compliqué de l'expliquer à Bergoglio. Ouais, bon, enfin, lui, c'est une cause perdue. On peut pas récupérer un type. Passer 70 ans, c'est vraiment une cause perdue, quoi. C'est lié, hein, parce que le sujet suivant, vous allez voir, on va peut-être pas y passer beaucoup de temps, je sais pas, mais c'est l'incendie d'un centre de rétention de migrants clandestins à Vincennes, quoi, je veux dire, c'est franchement, l'Île-de-France et Paris deviennent vraiment une énorme favela, effectivement, qui a été incendiée donc par ces détenus. Ça aurait pu être une bonne nouvelle. Oui, mais ouais, enfin, évidemment, les choses ont tellement été bien faites que tout le monde s'en est bien sorti, tu penses bien. Je veux dire, il n'y a pas de blessés. Ne t'en fais pas. Alors, je cite la presse. Enfin, surtout, j'ai envie de citer le. Je vais faire un topo quand même, ça vaut le coup. Le 1er juillet, vers 5 heures du matin, des détenus du centre de rétention administratif de Vincennes, en région parisienne, ont mis le feu à des matelas et provoqué une émeute nécessitant l'intervention de la police et des pompiers, ainsi que l'évacuation du centre. Si aucun blessé n'est aucune évasion n'est à déplorer. Bon, là, je cite la presse, hein. On a peut-être d'autres sentiments sur le sujet. Voilà. Les chambres de deux des bâtiments, 260 mètres carrés au total, j'ai la photo sous les yeux, c'est le bâtiment complet en flammes, ont été ravagées par les flammes et sont aujourd'hui inutilisables. Et là, je vais vous citer un policier, j'y viens. Selon une source policière relayée par Le Parisien, l'émeute a été provoquée à la suite de la reconduite dans son pays d'origine d'un détenu algérien. Je cite la source policière. Lorsque les forces de l'ordre ont débarqué à 5h du matin pour l'emmener à l'aéroport, ses camarades, entre guillemets, ont voulu s'opposer à son départ. Ils ont tapé contre les grilles, ont mis le feu au matelas des chambres. Certains ont utilisé la table de ping-pong comme projectile contre les forces de l'ordre. Voilà, voilà. Alors voilà, la France assiégée, la France repeuplée aussi peut-être, c'est-à-dire les futures montagnes de Francis Huster hein, qui nous avait dit. Bah, je pense quelque part que faire des poèmes ce sont des gens qui vont être utiles pour payer les retraites. Il faut bien que des gens payent les retraites. Hein. Eh oui. Bah là déjà rien que de reloger tout ce beau monde, remettre tout ça aux normes, etc. Déjà là il y a ça va créer des emplois. Ah c'est pas faux. C'est pas faux. Donc en fait, il suffit de faire venir beaucoup d'immigrés, de tout foutre en l'air et de tout reconstruire, et le PIB va augmenter. C'est ça. T'amènes des Algériens, tu fais tout brûler, et puis après, faut faire des chantiers. Là, on est en plein emploi après. Je pense que c'est ça la stratégie. Ouais, c'est pas mal. Non mais pourquoi le problème avec les Algériens en partie ? Parce que, y a pas d'erreur. Je veux dire, vous croyez, vous, qu'un Malien s'est senti soudain coup solidaire d'un Algérien ? Et en fait, c'est les Algériens qui ont tout cramé là-dedans. Mais moi, ce qui me choque déjà, c'est que ce soit des Algériens, enfin. Et il me semblait que les seuls migrants qui étaient en France, c'était des Syriens. Enfin, je sais pas. Oh, ben alors Mon monde s'effondre. Je croyais que les Algériens étaient tous admis en France sans même passer par des centres de rétention, que sais-je. Enfin, je trouve ça scandaleux. Voilà, des violeurs, des criminels en Algérie qui ont besoin aussi d'un statut de réfugié. Attendez, parce que là, on est peut-être en train de se fourvoyer, parce que c'est peut-être un arabe qui est non musulman, qui est non communautaire, c'est peut-être un fils de Harki qui est complètement. Parce que c'est bien connu que les fils de Harki remplissent les centres de rétention, quoi. C'est... Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup, numériquement. Et puis si tu regardes les photos disponibles dans la presse, dans la grande presse, du port de Marseille, où vous voyez des Arabes qui brandissent. Enfin, des Maghrébins, là, je précise. Les Algériens ne sont pas des Arabes. Ah oui, d'accord. Non, c'est des bandes de Maghrébins. Ok, excuse-moi. Des bandes de Maghrébins qui défendaient la civilisation, s'il te plaît. Je croyais que tu avais lu un commentaire sur Facebook et c'était peut-être, tu vois, précisément un mec isolé qui, pour le coup, lui, se sent proche des Français. Tu vois, il y en a quand même deux, trois sur Marseille, tu sais, des descendants de Harki, comme ça. C'est pour ça que je croyais que ça se trouve, on était en train de se planter. Mais là, toi, tu dis que c'est genre eux, là, les groupes de Maghrébos. Qui se bastonnait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a eu des c'est disponible c'est sur les réseaux sociaux et tout, hein. T'as des types qui brandissent le drapeau algérien, hein, du FLN, si cher aux Marseillais, je pense, enfin, ça dépend desquels, et qui disent, voilà, on a défendu le terrain face aux barbares russes et aux barbares anglais, qui sont venus violer cette France algérienne, en fait, hein. Ouais, c'est vrai qu'en plus, les Algériens, très très très haut niveau de civilisation, voilà, c'est quand même quelque chose. D'un côté, qui leur conteste ce terrain ? Voilà, ils l'ont pris sans que personne se batte, et maintenant, ils estiment que c'est leur. Les limites, sociologiquement, c'est assez intéressant comme réaction, parce que là, ils estiment carrément qu'ils sont chez eux, ils en ont chassé le blanc, où le blanc n'est plus qu'un statut de dhimmi. Et ils s'estiment les défenseurs de ce bout de territoire de Marseille, quoi. Donc, c'est assez intéressant de voir aussi leur réaction. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas une seule seconde dans leur cerveau de dromadaire qu'ils sont des envahisseurs et qu'ils ont vocation à être virés de là. Ah bon, je croyais qu'ils avaient vocation à voter Front National, moi. Ah, aujourd'hui, c'était possible au Front National. Non, mais là, je citais Alain Soral qui avait dit que les Maghrébins avaient vocation à voter Alain Soral. Ouais, il a dit les musulmans, pas les Maghrébins. Je te rappelle que l'islam, c'est traditionnel et donc c'est de droite, hein. C'est nationaliste. Quelque part, par la bande, Philippot. Bon, je vous propose de faire une pause là, pendant quelques minutes. Là, on prend son souffle et ensuite on entame la deuxième heure. Ok, à tout à l'heure. La race blanche, chanson coloniale. C'était un gamin près de Conakry qui venait de perdre sa mère. Et le négrillon geignait à grands cris, si profonde était sa misère. Mais ses chants et pleurs, un soldat très doux, un jour mit fin à sa souffrance. Il lui tendit un drapeau de la France, et l'enfant s'en fit un coucou. voix tout rayonnant, il chanta tout en s'inclinant. Merci toi qui te penches sur mon abattement. Merci la race blanche, nous qui te devons tant. Moi, quand je serai grand, j'entrerai dans les rangs de la grande armée blanche. C'est mon remerciement. Au printemps suivant, le destin brutal vint frapper le pauvre air, vendu comme esclave, un oriental. On l'entraîna loin de ses frères. Après ma péril, nu dans la chaleur, s'écorchant les pieds sur les roches, sur un marché du Levant, le pauvre mioche se retrouva perdu en pleurs. Le marchand négociant son prix, en levant la tête, il lui dit: j'obtiendrai ma revanche après tant de tourments. Je prie la race blanche de me sauver à temps, car toujours l'homme blanc bat le Mahométan. Craint de la race blanche le juste châtiment. Le marchand ému, tout tremblant, lui dit: la liberté, je te la donne. Il le détacha et l'enfant partit, heureux de ce qu'on lui ordonne. Au pays natal, il revint courant, retrouver la France, sa mère. Se présentant là-bas aux militaires, il entra dans un régiment. Et le gamin dit saluant le drapeau bleu et rouge et blanc: sous la chéchia garance, je suis heureux vraiment. Je veux servir la France, elle que j'aime tant. Et quand le jour viendra où l'on déclarera chez moi l'indépendance, j'émigrerai. Notre émission d'aujourd'hui, elle est un petit peu dominée par l'islam et l'islam radical. C'est pas le seul sujet, loin s'en faut, hein, qui pose problème. On parle des pillards de Bougnoul. Bah ouais, c'est le fait est que l'actualité dicte un petit peu sa loi, et le fait est que la racaille islamo-africaine nous impose le tempo. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est basé sur des faits d'actualité, quoi. C'est pas comme si moi je sortais quelque chose de mon cerveau malade, comme dirait Patrick Cohen, hein. Le fait est que, voilà, hein, c'est un petit peu dans les papiers tous les jours, quoi. Ouais. Prends-tu en compte la théorie du false flag? Non. Je l'avoue platement. Non, non, non. Mais pour 30 secondes sur tout ce qui est du false flag, il s'agit pas de mépriser toutes les théories du false flag, puisque c'est évident qu'il y a aussi d'autres pays qui ont des intérêts aux attentats islamistes, tu vois. Ça sert à rien de le nier. En revanche, l'idée c'est que le false flag systématique, un false flag sur Twitter à peu près 3 minutes 30 après l'attentat, tu vois, c'est là, t'as un peu de mal quand même à concevoir cette théorie. Exactement. Mais non, mais attendez, C'est-à-dire que false flag, pourquoi pas étudier les théories, mais on voit très bien qu'il y en a où c'est du systématisme qui relève plutôt de l'excuse et de la facilité. Bah attends, excuse-moi, continue. Le false flag, c'est jamais que la culture de l'excuse qui est en vigueur depuis juste 30 ans dans les banlieues françaises vis-à-vis des immigrés africains et musulmans ou maghrébins, qui est étendue simplement au niveau géopolitique. Je ne citerai pas qui a encouragé ce mouvement de fond sur ce plan-là. Mais Alors, excuse-moi, Gandalf, est-ce qu'on peut avoir un tout petit débat de 3 minutes sur le false flag, puisque tu es en train de me dire que le false flag n'existe pas. Moi, je veux te dire que faut être un peu sérieux quand on arrive là-dessus, et quand tu arrives sur ce genre de sujet, tu as intérêt d'avoir des grosses munitions. Hein. Comme il est de juste, pour pouvoir démonter une opération complexe avec tous les éléments probants, il te faut au moins quelques années. Hein. Tu peux pas débouler un jour après et dire « Ah, mais c'est un false flag !» Surtout quand tu as un patronyme à consonance passablement algérique. Hein, voilà. Donc, il a mis un petit moment avant de développer sa théorie. D'accord, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que le Mossad et la CIA pratiquent le false flag quand même systématique, mais de manière stratégique, une fois de temps en temps, ils pratiquent le false flag et que, de fait, l'étude du false flag... Quand elle est sérieuse, elle n'est pas grotesque. On est d'accord là-dessus, quand même. D'accord, mais les Russes, les Iraniens, les Chinois, enfin tout le monde, quoi. Sauf que qu'est-ce qu'on constate ? T'as raison d'insister sur le plan. Parce que si j'écoute, moi, tous les grands avocats des bouilloules, en fait, pour faire court, c'est très ambigu leur défense des bouilloules. Parce qu'ils te disent en fait que les bougnoules sont tellement des incapables, tellement des nuls, qu'ils sont infoutus d'avoir des projets politiques. C'est une défense des bougnoules qui est raciste. Non, mais... oui, non, l'idée, c'est que parfois, je te laisserai développer tout ce que tu veux, mais je vais finir là-dessus. C'est qu'ils t'expliquent en fait que les Arabes sont incapables d'avoir... une volonté. Les musulmans n'ont pas d'objectif géopolitique. Les Iraniens n'ont pas d'objectif géopolitique. Pas plus que les Turcs, pas plus que les Algériens, pas plus que les Marocains, pas plus que personne. Ces gens sont une énorme flaque, tu vois, de chair humaine, sans volonté, sans passé ni futur, tu vois. Et donc, s'il se passe quelque chose, c'est forcément qu'une puissance extérieure est en train de conjurer, quoi. Moi, je dis, excuse-moi, la base de l'islam, c'est quoi ? La base du monde musulman, c'est quoi ? Il me semble que c'est l'expansion depuis la péninsule arabique en Afrique du Nord et puis ensuite vers le Moyen-Orient ou en même temps au Moyen-Orient de gens qui avaient une volonté. Bon, est-ce qu'ils sont inconséquents sur plein de choses ? Certainement. Est-ce qu'ils sont absolument incapables de fomenter quoi que ce soit ? Moi, je suis pas sûr. Quand je vois Erdogan et la Turquie qui est dominée par les frères musulmans, moi, j'ai l'impression qu'Erdogan est quelqu'un de très capable, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a une vision à long terme. Est-ce qu'il serait incapable de fomenter des attentats ? Non, bien sûr que non. Bon, bah alors, tu vois, et quand on écoute ces gens-là, tu vois, les musulmans sont des victimes éternelles, etc. Et c'est exactement voilà, la même chose. Mais je suis d'accord qu'il y a ce travers. Je conclue simplement là-dessus, c'est que quand Momo se fait arrêter au coin de la rue, il y a une bavure policière. Il a rien fait, il marchait là, tu vois, et en fait, c'est le méchant gros Robert, tu vois, qui est policier depuis 25 ans, c'est lui le gros enculé qui a fomenté un truc contre le gentil Momo. C'est la même histoire partout pour 1,3 milliard d'individus. Et c'est comme le mec qui a poignardé le directeur des Restos du Cœur, sale franc-maçon, tue un mécréant, sale français, chien d'infidèle. Des actes de ce type, t'as pas besoin d'un service étranger pour les fomenter. Et même des actes un peu plus complexes, tu vois, qui réunissent quelques kalachnikovs et quelques pains d'explosifs. Maintenant, l'organisation, elle est organique. Ils ont leur réseau d'information. Et ils agissent comme une meute. Ils agissent par les hormones. Tu vois, ils n'ont pas besoin de rationaliser le truc. Ils agissent comme, d'ailleurs, ils se pensent comme des victimes. Hein. Ils sont dans la victimisation permanente. Et même quand ils font leurs attentats, ils le font au nom de la défense des musulmans. Tu vois, c'est-à-dire que le mec disait justement, chien infidèle qui refuse d'aider nos frères musulmans, on va te tuer à la Wakbar. Et quand bien même, non mais je suis d'accord avec tout ce que. Quand bien même ils sont manipulés, on peut dire quand même que le terrain est favorable. C'est-à-dire que tu peux manipuler des musulmans à moitié débiles, mais de toute façon, en fait, tu vas juste leur donner la possibilité de faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je veux bien, c'est tout à fait possible hein, que des musulmans aient été manipulés. Par exemple, le 11 septembre, bon, voilà, la version officielle américaine, j'y crois assez moyennement. Mais au-delà de ça, je veux dire, il y a quand même un terreau très favorable, un terrain très favorable pour qu'arrive ce genre de choses. Donc je crois qu'il peut y avoir des manipulations, mais à la base, il y a quand même une volonté d'expansion, de conquête et de haine de l'Occident absolument effrayante de l'ensemble de la population musulmane, et certains éléments ne demandent que ça, qu'on leur donne les quelques moyens qu'on peut leur donner pour passer à l'acte. Voilà, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez développé. Je voulais juste en fait préciser que pour chaque crime, quand même, il faut jamais oublier qui a le mobile le plus intéressant, le plus manifeste. Quoi. Et il y a quand même des fois où effectivement c'est louche. Quoi. Et tu vois, tout ce qui se passe proche d'Israël, moi je suis pas soralien, je suis pas complotiste. Tout ce qui se passe proche d'Israël peut être analysé sous d'autres angles, quoi, et avec des théories. Parce que c'est effectivement une de leurs méthodes, quoi. Le Mossad pratique cette méthode-là de manière assez assidue, quoi. Donc, faut s'en méfier aussi. Mais en France, en tout cas, les Islandais pour commettre des attentats, ce serait un peu plus compliqué. C'est sûr que non. Faut le dire, c'est quand même plus facile de manipuler des bougnoules du désert à 75 de QI, tu vois. Et qui ont déjà la haine du blanc. Et oui, non mais c'est ça, c'est-à-dire que le fond du fond, c'est que ce sont des gens qui de toute façon à la base ont envie de se débarrasser des blancs, ont envie de se débarrasser des mécréants, des infidèles, etc. Donc dans quelle mesure est-ce qu'ils sont réellement manipulés, et dans quelle mesure est-ce qu'il y a juste quelqu'un qui leur a effectivement peut-être donné un coup de main pour réaliser quelque chose qu'ils avaient envie de faire dès le départ, voilà, hein, c'est-à-dire que comment disculper, enfin tu vois, quand tu entends ce que pensent les musulmans des sociétés occidentales en général, des blancs sur le plan racial, etc., etc., quelque part, voilà, le false flag, est-ce qu'il y a besoin de se poser des questions sur les false flags pour se dire que les bougnoules, et musulmans en particulier, sont nuisibles en Occident? Bah non. Oui, si tu fais ton fonds de commerce là-dessus. Effectivement. Tiens, alors, du coup, sur lequel j'aimerais revenir. Ouais. Il n'y a pas longtemps, il y a les données personnelles de 112 000 policiers qui se sont retrouvés sur Internet. Donc, les numéros de téléphone, les adresses et tout ce qui s'ensuit. Alors, ça venait d'une mutuelle, hein. C'était la mutuelle des flics. Mais t'as pas besoin du Mossad et du pirate coréen pour te sortir ce genre d'informations. T'as suffisamment de musulmans modérés pour te sortir ces informations, les foutre sur un réseau, même pas forcément sur Tor ou sur un réseau New, pour donner ça à des millions de boucaques qui, du jour au lendemain, sont prêts à péter un plomb et assassiner du blanc comme ça à la chaîne. T'as vraiment pas besoin de services de renseignement à l'heure actuelle. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans modérés qui peuvent avoir accès et n'ont pas besoin d'avoir un quotient intellectuel à trois chiffres pour le faire à nos données personnelles. Enfin, moi, j'ai plus confiance aux musulmans modérés qu'aux mecs du Mossad quand même. Bah ouais, effectivement. Bah, pour le contexte, hein. Je sais pas. Moi, je me mouillerai pas dans l'absolu. Déjà, musulmans modérés, ça veut rien dire, donc. Ouais, déjà, pour commencer, mais bon, bref, enfin, bon, c'est certain. Alors, bon, permettez-moi d'enchaîner sur le sujet suivant, mais, et encore une fois, qui fait le lien. Alors, pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que, ça m'a fait un peu mal au cœur, et en même temps, ça m'a paru tellement révélateur de la psychologie de victime, la psychologie... de chips des Français d'aujourd'hui. C'est le père du policier assassiné à Magnanville. Vous savez, hein, bon, je reviens, mais je pense que vous le savez, nos auditeurs le savent aussi, c'est ce couple de policiers qui a été assassiné par Larossi Abala, qui est un membre de l'État islamique, qui, je crois, est un ex-dealer de banlieue reconverti plus ou moins dans le djihadisme à la va-vite, qui a assassiné en banlieue parisienne, donc à Magnanville, un policier et sa compagne. Précisons quand même que ça a été fait à l'arme blanche, devant leur le gamin de 3 ans aussi, hein, et que ce monsieur, enfin j'ai pas envie tellement d'appeler ce monsieur, mais bon pour la forme je l'appelle comme ça, a revendiqué son geste sur son smartphone et qu'ensuite il a mis ça sur Facebook, Twitter, et que ça a tourné un petit peu partout. Et bon, évidemment, effroi, choc, les policiers, enfin les forces de sécurité en général, se retrouvent sur la défensive. Et on aurait pu se dire, bon, on va avoir une réaction, j'allais dire, pratiquement entre guillemets, de salut public, une réaction de survie, une réaction de colère, quoi, hein, de colère. Et puis, et là on va en parler, les proches, et plus singulièrement le père du policier assassiné, 15 jours plus tard, a communiqué et n'a pas du tout tenu un discours de sursaut, de réveil. C'est tout l'inverse. Il a tenu un discours, au contraire, comme vous allez le voir, d'endormissement, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Et voici ce qu'il a dit. Je pense que certains d'entre vous vont apporter des précisions. Donc, alors, le nom de la victime, donc c'est Jean-Baptiste Salvin, hein, et Jessica Schneider. Donc, c'est les deux personnes malheureusement qui ont été tuées. Et le père donc de Jean-Baptiste Salvin, Jean-Pierre Salvin, a déclaré la chose qui suit. Je suis très touché, très très triste et catastrophé parce que c'est la famille, parce que c'est mon fils. C'est un acte incompréhensible. Nous n'avons pas de haine, car la haine ne servirait à rien. On a eu beaucoup d'incompréhension, de tristesse aussi pour des gens qui sont capables de commettre des actes comme ça. Et c'est allé beaucoup plus loin parce qu'en fait, il a littéralement expliqué qu'il ne fallait pas avoir tout simplement de volonté de revanche contre l'ennemi. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres déclarations ? Je sais qu'il y en a. Oui, je vais rebondir là-dessus, je vais rajouter un petit peu. Bon, déjà, je veux réagir par rapport à... voilà, il mentionne qu'il a beaucoup de tristesse, y compris pour les gens hein, qui peuvent être amenés à commettre de tels actes. Déjà, je pense qu'on va mettre une photo du criminel avec l'émission, il s'appelle Larossi Abala, hein, bien sûr. C'est vrai catho de gauche, comme on aurait dit. Qui a une vraie tronche de bougnoule, fumeur de shit, avec la barbe laissante, en poil hein. De cul. C'est la barbe laissante. C'est vraiment, c'est juste magnifique, avec un QI de 75, évidemment. Et alors, c'est-à-dire que le père de ce flic qui a été assassiné en est réduit à dire... parce que on pourra débattre de comment il en arrive là psychologiquement, il a de la tristesse pour cette personne. Alors, il suffit de voir la photo, et je vous le dis, on la mettra avec l'émission de ce mec, de ce sale boucac. Si vous arrivez à ressentir de la tristesse pour ça, quelque part, allez vous faire vérifier le système, il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième chose, c'est pour apporter une précision par rapport à ce qu'a dit le père. Donc, c'est un discours qu'il a tenu apparemment devant c'est des bataillons de gendarmes et François Hollande. C'était une cérémonie officielle. Il dit donc, chacun de nous a à faire le choix de l'amour et non de la haine. Puisse ce sacrifice nous faire avancer sur ce chemin de solidarité et d'amour. Alors, je sais pas exactement de quel chemin il parle, hein, de solidarité et d'amour, mais lui, il doit savoir de quoi il parle. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que dans sa fameuse lettre ouverte, il explique aussi qu'il ne faut pas que cet assassinat ne serve à rien. Il faut qu'il soit mort pour quelque chose. Et lui rajoute ensuite qu'en fait, ils sont morts justement pour que... et plus de vivre ensemble, etc., et qu'ils ont été sacrifiés sur l'autel du vivre ensemble, alors qu'effectivement, la réalité des faits, c'est qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour la propagande de l'organisation État islamique, tout simplement. Oui, ou plutôt, ils sont morts à cause du vivre ensemble. Oui, autrement dit, oui. Mais souvenez-vous, c'est pas la première fois, ce genre de discours. Moi, pendant l'affaire du Bataclan, le soir du drame, BFM TV avait réussi à trouver, parmi les parents des victimes, un père dont la fille de 24 ans avait été assassinée, qui tenait exactement le même genre de discours. Bon, on en verra d'autres, hein, des comme ça, des pas d'amalgamistes, des gens lobotomisés, fanatisés, qui n'ont plus de réaction humaine. Parce que quand un proche se fait assassiner, la réaction normale, c'est la colère. Et c'est une colère juste, légitime. Mais non, ces gens-là, ils ont été lobotomisés, fanatisés par la télévision, par l'éducation nationale, par 40 ans de propagande. Et voilà, et tout d'un coup, sous prétexte que l'assassin, bah, c'est un bougne, eh ben, ils ne sont plus capables de lui en vouloir. Bah, je ne sais pas dans quelle mesure, moi, je me demandais dans quelle mesure cette réaction et ces discours. Bon, même si on sait très bien qu'il y a des... Alors moi, j'analyse pas ça tout à fait pareil que vous. Ah, bonjour. Vas-y. Bah, en fait, je pense que ce type de réaction, bon, même si à la base, je pense que le type doit pas être spécialement un facho, hein, vu ce qui peut sortir, mais je crois que quand il nous arrive un truc comme ça en tant que parent, voilà, ton fils se fait égorger de manière absolument sordide avec ta belle-fille devant ton petit-fils, je pense que tu dois être psychologiquement complètement dévasté. Et c'est là que je crois que doivent intervenir justement nos amis les psychologues, qui doivent être mandatés par l'État pour éviter qu'il y ait ce genre qu'il y ait une réaction publique et guerrière. Et je pense que le type, alors il est peut-être plus facilement manipulable que d'autres, mais je pense que là, le discours, là, tout ce que j'avais pas lu, enfin j'avais entendu vaguement, mais j'avais pas lu, et je veux dire, ça fait pas naturel, on dirait un discours de une sorte de psychologue de gauche ou de catho de gauche avec cette théorie du pardon, de trucs de fiotte, voilà, de victime, de dîme. Ça sonne pas naturel. Et je pense que le type, lui, doit être complètement dévasté psychologiquement, qu'il doit écouter, en fait, les gens qui le prennent en charge, parce que je pense que tu dois pas être bien. Et le type, c'est pas lui qui va se mettre à la tête d'une croisade contre l'islamisation, contre ce genre de... Donc je pense qu'il répète bêtement que le type est vraiment mal, doit répéter bêtement, et en plus il a l'occasion de dire ce qu'il a à dire, il a peut-être besoin d'entendre ça, besoin d'essayer de se faire un monde de bisounours autour de lui, puisqu'on lui dit que voilà, que c'est comme ça qu'il va réussir à faire son deuil. Donc je crois pas qu'il faille chercher profondément de trucs gauchistes chez lui, qu'il soit complètement ravagé ou pas. Alors par contre, ça marche beaucoup avec les Blancs, mais ça ne fonctionne pas en général avec les Maghrébins, avec les Gitans, puisque eux réclament la peine de mort systématiquement, même quand c'est un flic qui a buté un membre de leur communauté qui était une véritable racaille. Donc, mais par contre, avec les Blancs, ça marche assez. Et je crois que c'est en fait un encadrement psychologique qui est fourni par l'État, qui empêche justement ce discours qui pourrait être vengeur, qui serait un discours normal que nous, on aurait, qui nous viendrait facilement à l'esprit. Et je pense que s'il avait un discours qui était anti-islamisation, qui était anti-immigration, qui était pour une vengeance saine face à toute cette pourriture immigrée qui massacre les Français, je pense qu'évidemment, on n'en aurait pas entendu parler parce qu'aucun micro ne se serait tendu. Évidemment. Tout à fait. Moi, je veux pas faire, mais pour ce genre de cas, on est obligé de faire un petit peu de psychologie. Et en fait, ce qui est très dommage, c'est l'utilisation, en fait, de son, sûrement le type à la base, en fait, son pardon, comme le disait Argel, c'est un espèce de truc, le mec est psychologiquement sonné. De toute façon, la haine, vu ce qu'il vient de subir, de renvoyer une haine proportionnelle à ce qu'il vient de subir, c'est quasiment, c'est virer dans le rouge, et c'est finir en prendre 30 ans, quoi. Prendre pour 30 ans, ou prendre une peine de mort selon le pays où il agit. Donc, il est à plus ou moins obligé, de toute façon, de partir dans un processus de pardon et tout ça, mais qui correspondrait plus à une démarche chrétienne qui se passerait dans le silence intérieurement avec un gros travail sur soi, un gros travail d'oubli, un gros travail de contrôle de ses pulsions, de contrôle de ses pensées morbides, meurtrières, oui, voilà, et tout ça. Ça ressemble à ça, ça ressemble à une thérapie. Ouais, mais Gringoire, sauf que là, il est plus court que la tienne. Le problème, c'est que cette thérapie qui normalement se fait. Excuse-moi, MacDab, je finis juste, j'en ai pour 30 secondes. Le problème, c'est que cette thérapie qui normalement se passe dans le cadre privé et un travail intérieur pour finalement pouvoir continuer à vivre sans avoir envie de bousiller tout le monde et de passer au mass murder, quoi. ce processus aujourd'hui est médiatisé et mis en valeur par l'ultra-gauche et par des espèces de médias psychadores, tous ces trucs psychologisants, et c'est vraiment moche à voir. Quoi. Exactement. Il y a un type qui s'appelle Antoine Léris qui a perdu sa femme au Bataclan. Enfin, un blanc, hein, donc jeune, dans la force de l'âge, possiblement avec un QI à 3 chiffres, et papa d'un gamin de 18 mois. Le mec perd sa femme et fait un bouquin qui s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine ». Non mais... Ah, c'était peut-être une divine surprise pour lui. Ouais, peut-être qu'il y a un petit peu d'opportunisme, ça c'est possible. Mais... Non, mais je déconne. Le mec fait quand même le tour de tous les plateaux télé, il était chez la Pédale Ruquier récemment, et le mec, enfin, il faut quand même voir le type de citation de pour moi c'est des sous-hommes ces types, parce que justement quand il t'arrive un tel événement, tu fais en sorte que ça n'arrive plus, et tu ne fais pas ça avec des bisous ou des câlins, c'est pas possible. Son bouquin là, c'est donc « Vous n'aurez pas ma haine », il y a en bas de la page de garde, c'est « Notre coccinelle s'est posée sur le nez de la sorcière, elle avait une kalachnikov en bandoulière et la mort au bout du doigt ». Mais le mec, il est encore dans une kermesse de CM2 dans le 93, quoi. Bah, le truc, c'est que c'est pas la bonne personne qui s'est pris une balle, quoi. Moi, ce qui m'a fait tiquer sur le père là de la victime, c'est que dans les déclarations qu'il a faites, il dit voilà, n'allez pas céder à la haine, comme le dit Alfred de Musset, quoi. Il fait des citations d'Alfred de Musset. Et non, mais c'est-à-dire que le mec vient de perdre son fils, sa belle-fille, etc., dans un truc absolument sauvage. Et il passe, et c'est moi, je pense, en fait, comme j'allais dire juste avant que Argel prenne la parole, mais il a dit exactement ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été récupéré immédiatement, qui a dû, à mon avis, hein, après, on n'est pas sûr. C'est Flanders, quoi. Qui a dû être récupéré par des psychologues qui lui ont retourné la tête pour qu'il dise effectivement exactement ce qu'il était acceptable et ce qu'il était souhaitable pour monsieur François Hollande. Hein, de déclarer, parce que, excuse-moi, quand ton fils, ta belle-fille, assassiné devant un gamin de 3 ans, etc., est-ce que tu es là, est-ce que tu vas à la télé pour faire des citations d'Alfred de Musset ? Un pays qui produit ça est un pays qui mérite la bombe nucléaire. Ça n'a pas été médiatisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un type à blesser au Bataclan, qui avait dit qu'il voulait former une milice pour éradiquer la vermine islamiste. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça fait quelques entrefilés, mais je veux dire, lui, il a pas été invité à parler devant François Hollande et les responsables de la gendarmerie, par exemple. Bien sûr, les gens sont castés, et comme vous dites, probablement brainwashés par des psychologues avant de prendre le micro. Ouais, fait penser à l'interview de Jesse Hughes, le chanteur de Gulf. Ah oui, non, mais ça. Attendez, mais bien sûr, voilà. Le mec a quand même dit que c'est, lui pense qu'il y a les complicités des Gilles Lignoul. Ça va plus loin que ça. Non, lui, il explique dans le détail. Donc, le chanteur du groupe qui était au Bataclan, il explique concrètement et avec moult détails comment le truc était monté de A à Z et comment les musulmans qui gardaient, enfin qui faisaient office de videurs dans cette soirée-là, s'envoyaient des regards, faisaient des déclarations bizarres, ont laissé ouvert des portes, etc. Et c'est évident qu'une opération comme ça est une opération très complexe et la boîte de nuit en question était ciblée depuis longtemps. Et le type... Probablement musulmans modérés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce fameux Jesse Hughes, etc., a vu son groupe Eagles of Death Metal déprogrammé d'un certain nombre de festivals français, ouais, notamment le Rock en Seine, parce qu'il a tenu ses propos. C'est quand même incroyable. Voilà. Alors qu'en fait, les propos disent simplement... C'est incroyable qu'il y ait des gauchistes en France. Merde. Non, il faut aller plus loin que ça, parce qu'il y a le gauchisme et tout, machin. Et c'est un peu ce que je voulais dire, d'ailleurs, par rapport à cette histoire avec le père de famille et tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le gauchisme... Tu sais, il y a le gauchisme naïf... les types ils sont aveuglés, mais au bout d'un moment, je veux dire, quand les faits objectifs morts qui s'expriment. Non, c'est même plus ça. C'est-à-dire que quand les faits objectifs sont en face de toi, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui tombent dans la rue, etc., dans les salles de concert et tout. Soit t'es un collabo, soit t'es un résistant. Tu vois, on te demande pas de prendre les armes, on te demande d'avoir une opinion, tu vois. Quand t'es là en train de faire, en train de collaborer activement avec des mecs qui tuent des gens de ton propre peuple, t'es un fils de pute qui mérite la corde, c'est tout, point barre. Les mecs de Rock en scène, moi je te les fais tous pendre au lampadaire avec des cordes à piano. Point barre, je veux dire, faut arrêter de jouer l'en est là, ouais, truc, maintenant. C'est des gens comme ça, méritent la mort. Ce sont des collaborateurs actifs, vous voyez. Et comme on est dans une mystique de la résistance 1944 et tout, dont acte. Dont acte. Utilisons cette mystique, puisque toutes les forces qui ont été tant décriées sont en mouvement maintenant, entre les gens qui se couchent, les gens qui résistent, les gens qui sont en minorité, les gens qui sont dans la majorité, les gens qui sont silencieux, tout est en face de nous. Alors bon, justement, je voulais simplement donner juste mon opinion, hein, vite fait, sur ce que, malheureusement, la réaction du père. Moi, je suis complètement d'accord avec Argyle. J'aurais pas mieux formulé. De toute façon, quand t'as un truc comme ça qui arrive de cette amplitude, tu peux être sûr que le gouvernement envoie des psychologues s'occuper de toi. Bon, de toute façon, c'est un truc standard, c'est une norme, en fait. Sauf que quand ta famille a été bousillée, de la façon dont elle a été bousillée, avec l'impact que ça a, les psychologues, ils viennent te voir. Ils sont missionnés politiquement, on le sait. Bon, mais toi, t'es là, t'es désarmé. Et eux sont des psychologues, précisément. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout de la psychologie humaine. Et surtout de la psychologie la plus élémentaire. Après un choc, ils savent te prendre, mais comme une crêpe. Toi, t'es là, ton monde s'est effondré, t'as plus de repères, t'es complètement, t'as tout perdu. Ils arrivent, eux, ils sont à froid, et ils viennent te dire, écoutez, monsieur, la première chose que vous devez éviter, c'est de vous reconstruire sur la haine. Et le ressentiment. Déjà, là, ils te prennent, t'es foutu. Ils t'ont désarmé, t'es mort, t'es bon pour l'abattoir. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils te disent, monsieur, vous devez vous reconstruire positivement. Voilà. Ils te servent un discours, une espèce de discours zen, mi-hippie, mi-truc, mi-machin. T'es fini. T'es un oiseau ou t'es un poisson sans défense, tu veux plus vivre, t'as plus d'instinct de survie. Donc ça, c'est le premier point. Argyle l'a bien résumé, pas besoin d'en faire plus, quoi. Ensuite, faut pas confondre colère et haine. Ce sont deux choses distinctes. La haine, de pas avoir de haine pour son ennemi, c'est une chose. D'être capable de surmonter un sentiment de haine envers son ennemi, c'est une chose. Mais de pas avoir de colère, c'en est une autre. Le Christ a eu de la colère. Quand le Christ sort ses lanières pour frapper des marchands dans le temple, il est en colère et il frappe. C'est ce qu'on appelle la colère sainte, c'est-à-dire c'est une colère qui part du cœur, quoi. C'est une colère qui est légitime et qui peut se terminer en coup. C'est pas illégitime en soi, je veux dire. Et là, on confond haine et colère et il joue sur ces mots. Pour désarmer psychologiquement, bon, là, ça fait écho à ce qui a été dit avant. Maintenant, on a aussi affaire, et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que ça explique ce qu'on est en train de vivre. C'est des populations qui ont, justement, des bribes de christianisme dans la tronche, notamment au niveau psychologique, mais qui n'ont plus du tout l'explication, ils n'ont plus les tenants, les aboutissants. Ils ont des bribes de représentations comme ça, émotives et collectives, habilement réutilisé par des gens où on leur dit il faut aimer ton prochain, mais attendez, jamais le christianisme a enseigné d'aimer son prochain inconditionnellement, sans condition. Il y a des conditions, c'est sinon on laisse le mal se produire. Est-ce que le Christ a dit laissons le mal se répandre sur la terre et tout ira bien? Absolument pas, il a dit l'inverse. Et on nous explique que on va laisser tranquillement des névrosés de bougnoules sous coke ou sous en fait massacrer des policiers, massacrer des civils, etc. Et nous, on va tranquillement rester là, en train de se marrer, en train de sourire, en disant ah bah ouais, mais j'ai pas de colère, j'ai pas de haine, tout va bien. Non, ça a jamais été l'enseignement chrétien, ça. Donc il faut bien comprendre qu'on a des populations qui sont déchristianisées, mais qui conserve certaines bribes qui sont habilement réutilisées par le gauchisme émotionnel. Donc voilà ce que j'avais envie un petit peu de dire, mais et là où ça devient un cocktail explosif, c'est qu'en face de ça, en face de ces populations désarmées, on a des sadiques, on a des tortionnaires, on a des gens qui sont assoiffés de sang. Et le Abala en question a montré sa sale gueule après avoir tué une mère de famille devant un gamin de 3 ans. Au nom d'Allah. Ça, c'est important. Mais c'est l'essentiel. C'est le côté qu'elle dit en mystique du discours. Ces gens sont dans une secte, elles pèsent 1 milliard 300 millions et t'es plus ou moins radical dans ta secte. Il y a des gens, tu vois, ils consomment de l'alcool, par exemple, comme au Kosovo, etc. Les mecs sont musulmans, non, ils sont pas vraiment musulmans, ils sont sortis. Mais en fait, quand t'es un vrai bon musulman, tu t'appelles Abala. Tu t'appelles Abala, tu vois. Et on va pas rentrer dans, ça c'est un sujet qui nous amènerait sur autre chose, hein, la moralité musulmane qui est vraiment très flexible. Mais là, ce qu'on a vu, c'est la rencontre malheureuse, j'allais dire, du sadique et du maso. Et désolé, ça marche très bien ensemble. Et la réaction du père me fait très très peur en réalité, parce que c'est pas une saine réaction. La saine réaction, ça aurait été quoi ? C'est de dire, on est menacé dans nos vies, maintenant on va tous les tuer. Ça, c'est la réaction d'un peuple qui se tient debout. Et malheureusement, on a ce gouvernement d'enculés, ce gouvernement de traîtres, et là, les noms, on les connaît, les sanctions tomberont, et ça viendra, mais ce qu'on a vu là, la réaction du père, est une réaction... Je comprends que le type, acculé, déstabilisé, repris en charge, ait dit ça, mais en faisant ce qu'il a fait, il a simplement encouragé d'autres personnes à tuer encore des innocents, c'est tout. Alors, tout à fait, dans le même sorte d'exemple... Alors, c'est par intermédiaire, moi j'ai pas eu contact direct avec elle, mais est-ce que vous vous souvenez de la petite fille Chloé qui a été violée et tuée à Calais par un récidiviste? Ça doit faire à peu près un an et demi, 2 ans, je sais plus exactement. Et donc, sa mère, donc par intermédiaire, j'avais contact avec sa mère qui, même si elle était complètement détruite psychologiquement, était favorable à une action revendicative pour demander le rétablissement de la peine de mort pour les assassins d'enfants. Mais elle était tellement détruite sous cacheton, encadrée par des psychologues d'État, qu'en fait, elle n'a pas pu, quand elle a été interrogée, parler de ça. Elle était tellement dévastée. C'est-à-dire que même alors qu'elle avait cette réaction, on va dire dans le privé, cette réaction saine, cette réaction normale, et elle avait accepté le soutien de personnes qui lui proposaient de mener une action publique pour le rétablissement de la peine de mort, elle n'a pas eu la force nécessaire, parce que là, par contre, quand elle a cette idée-là, il est évident que le psychologue ne va pas l'aider dans ce chemin. Donc c'est certain qu'il ne faut pas demander à des parents de victimes d'être les porte-parole de la saine et légitime vengeance et de la colère populaire. Ce n'est pas possible. Non, effectivement, c'est pas possible, mais moi j'en veux pas du tout aux parents, hein, c'est pas une question d'en vouloir aux parents, parce que quand moi je peux pas m'imaginer comment je réagirais comme ça, je serais complètement anéanti. Je sais que je tuerais quelqu'un, ça je pense que je peux le dire. Je veux dire, moi ma vie après ça j'en ai rien à foutre, c'est-à-dire que j'irais éliminer quelqu'un, mais probablement j'irais éliminer un responsable politique. J'irai en flinguer un, une bonne fois pour toutes. Je le dis en toute honnêteté, je veux dire, moi je me cache pas. Hein. Si ça m'arrivait, si ma fille, si ma femme, si quelqu'un de ma famille était éliminé comme ça, moi, c'est le prix du sang, il y a quelqu'un qui va payer derrière. Et la petite frappe de musulman à la con qui aurait fait le coup, c'est pas lui que j'aurais vraiment en priorité. Hein. Moi, c'est l'ordure de manipulateur qui ferait partie des commanditaires de ceux qui envoient ensuite les musulmans, enfin les psychologues, pardon, bourrer le mou aux parents, et qui leur détruisent leur vie. Parce que imaginez, quand vous dites ça à un parent, vous dites, ok, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma belle-fille, j'ai perdu, enfin le gamin est traumatisé, et j'ai personne contre qui retourner ma colère pour dire voilà, c'est toi le responsable. Je ne peux pas, on me l'interdit. Les psychologues sont passés, pendant un mois ils m'ont lavé le cerveau, je suis foutu. Parce que vous savez comme c'est, vous avez pris un tel choc, votre cerveau est tellement disponible à ce moment-là, et les types arrivent, ils utilisent les bons mots, ils vous mettent dans une telle ligne que vous ne sortez plus de ce truc-là après. Sauf si vous tombez par hasard sur des gens qui veulent vous en sortir, mais autrement, non. Qu'est-ce qui vous reste en fait ? Ben, vous allez voir qu'il va vous rester la dépression lourde ou le suicide, pratiquement. C'est ça qui va vous rester. Alors qu'en réalité, la colère qui débouche sur une revanche en règle est massive pour régler le problème. Et la seule et unique thérapie, pourquoi ? Parce que vous allez empêcher de futurs drames. C'est ça la réalité. Vous allez empêcher que d'autres innocents soient tués. Mais, dans la logique dans laquelle on est, d'autres gens vont mourir, d'autres innocents vont être tués. Parce que quand quelqu'un veut mourir, comme ces gens veulent mourir, vous croyez que c'est parce que vous serez gentil, plus poli, plus « Ah, c'est bien », etc. Mais ils vont dire « Mais c'est encore mieux, on n'a même rien à craindre de leur part ». Donc c'est un encouragement à l'assassinat. Et ils sont doublement criminels. Le gouvernement est doublement criminel. Tout à fait d'accord. Oui, pas mieux. Alors, ça met de l'ambiance. Bah, ouais, ça met de l'ambiance, mais c'est tellement triste. Ça fait beaucoup, hein, si on peut remarquer, quand même beaucoup d'histoires de Bougnoul complètement malade, hein, cette semaine-là. Bah, c'est une coïncidence, je t'en prie. Non, c'est des déséquilibrés, c'est du déséquilibre. Cela n'a rien à voir avec l'islam, bien sûr. C'est notre société qui est folle. Non, moi, voilà, je pense que c'est vous qui devez faire une fixette sur ces sujets-là. Hein. Cerveau malade, probablement. Tout ça. Le truc, c'est qu'on prend l'actualité. Donc, comme on prend l'actualité, peut-être qu'il y a une focale, mais enfin, bon, quand on voit ça, ça révèle tellement de choses que bon. Moi, par exemple, précisément, c'est vrai que ça me fait un peu chier parce que c'est pas mon dada. Mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites et je suis d'accord que l'actualité, malheureusement, est obligée d'en faire elle en fait notre dada, quoi, parce que l'actualité s'impose à nous. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui quand même, mais de toute façon, on aura bien le temps dans les autres émissions de voir d'autres sujets qui nous sautent aux yeux, quoi. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on a affaire à une offensive de Daesh, on comprend très bien d'où ça vient, d'où vient leur puissance. Elle vient d'une combinaison entre l'islamo-gauchisme et les pétrodollars. Et ça semble être une machine qui va à laquelle on va avoir affaire pendant 10-20 ans, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que c'est Al-Qaïda 2.0, quoi. C'est Al-Qaïda en bien plus puissant, avec des espèces de geeks en plus qui travaillent pour eux, parce qu'ils ont des espèces de no-life musulmans qui en fait sur le plan extérieur ne présentent pas les caractéristiques des musulmans bas du front qui vont trancher des gorges, mais en fait ils développent toute une haine de l'Occident en catimini, quoi, en loose day, et ils travaillent un petit peu pour eux, quoi. Donc je pense que ce monstre a pris son autonomie et malheureusement on va être obligé d'en parler très souvent, quoi. Ouais, malheureusement. Alors bon, on va enchaîner. On a encore au moins deux sujets à aborder, mais ça va faire charnière. C'est malheureusement la disparition de Maurice Dantec, Maurice G. Dantec, qui est mort donc le 25 juin, écrivain de science-fiction. Il se définissait pas comme ça, hein. C'est simplement un écrivain. Alors il a été quand même important, parce que finalement on parlait de cet islamisme, de cet islam radical qui prospère, et qu'en fait pendant très longtemps peut-être on a vu comme étant anecdotique ou limité à des marges, en tout cas rien de vraiment structurant. Il a été moqué pour ça par certaines personnes. Je citerai là franchement Alain Soral, qui est un fils de pute pour l'avoir insulté de cette manière. Et on se rend compte que cette personne, que Dantec, qui a quitté la France en 98, qui a dit tout ce qu'il a dit là-dessus il y a une vingtaine d'années, meurt en 2016. Et l'actualité dont on vient faire le tour, malheureusement, vient de lui donner raison. Alors, cette disparition, on peut en parler au plan artistique, bien sûr, mais il y a d'autres choses. Qu'est-ce que ça vous a fait? Contrairement, ce que ça fait, je ne parle pas émotionnellement, mais... qu'est-ce que ça vous a rappelé sur les années 2000, fin des années 90-2000, toute cette période-là où effectivement on a eu quand même un écrivain, et maintenant il y en a plus, mais en même temps peut-être avec beaucoup moins de talent, qui ont été là alors que vraiment c'était pas payant, quoi. C'était vraiment pas payant, on ne peut pas lui mettre sur la tête un plan com ou quoi que ce soit, il y a une vraie sincérité chez ce mec-là. D'accord. Je vais peut-être réagir là-dessus. Je pense que déjà, il faut noter que c'est un écrivain de science-fiction, que c'est un genre, une catégorie vraiment de blanc, hein, parce que, je veux dire, que ce soit les Orientaux, que ce soit les Africains, il n'y a pas vraiment, ou même l'Amérique du Sud, je veux dire, il n'y a pas énormément de peuples qui écrivent et qui rêvent et qui se penchent sur l'idée de se projeter dans l'espace. Hein. C'est-à-dire que quand on n'a pas maîtrisé l'agriculture au XXIe siècle, aller dans l'espace, c'est compliqué. Donc, rien que le fait que ce soit un auteur de science-fiction, déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui, peut-être au départ, n'était pas nécessairement, n'avait pas de préjugés raciaux, enfin, n'était pas racialement conscient de grand-chose. Et c'est juste parce qu'il était dans ce genre d'écriture, la projection dans l'avenir, etc., que ça l'a amené un petit peu à se poser des questions. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est une des personnes qui a été cataloguée à droite, en tout cas après son coming out, qui, un petit peu comme Guillaume Fay dans un autre genre, a été vraiment mis sur la touche par tous les intellectuels, entre guillemets, de droite, entre guillemets, respectables, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été... Je ne sais pas si on peut dire écrivain maudit, mais qui en tout cas a été maudit à la suite de ses prises de position par rapport à l'islam et à l'évolution de la France. Et c'est vraiment quelqu'un qui, en tout cas sur certains points, a eu raison avant tout le monde et en a payé le prix. Hein. Donc c'est pas une disparition dont on doit vraiment se réjouir. Ouais, totalement. Non, mais c'est... C'est un bon, faut quand même situer quoi. C'est quand même quelqu'un qui quitte la France en 98 à 39 ans. Il a une gamine de 2 ans et qui au début n'explique pas son truc. Il a du succès. Il a un roman en 93, La Sirène Rouge, qui a du succès. Les Racines du Mal, il y en a un autre. Bon, il y a rien qui le pousse à partir. Il part, il va au Québec, il va vers l'Amérique, il n'explique pas trop. Et puis, il y a des débuts de polémique au début des années 2000, rien de trop sérieux. Mais bon, il commence à broncher, en fait, sur le conformisme ambiant en France, quoi. Et ceux qui ont vécu... L'américanisme, ça a été son combat aussi. Non, mais on va voir ça. Mais d'abord, le type, c'est personnellement le type part, quoi. À 40 balais, attends, il y a un, je sais pas, ton pote, il a 40 balais, il part, il traverse l'Atlantique, il part. Avec femme et enfant. Fait comme Florent Pagny, quoi. Non, mais attends, sauf que le type, il était pas millionnaire, quoi, tu vois. Donc tu te dis, mais pourquoi il part? Pour les mêmes raisons que Florent Pagny, je pense, parce qu'il avait pas envie que ses enfants parlent rebeu à l'école. Moi, je pense. Attends, tu vas laisser Florent Pagny tranquillement au panier, justement, et on va rester sur un mec un peu plus brillant, quand même, enfin, en tout cas, à mon avis, et avec beaucoup moins de pognon. Il va en Amérique du Nord, et sans qu'on lui demande rien en 2004, alors qu'en fait, il aurait pu faire sa carrière tranquille, hein, le mec. Voilà, il fait son bouquin une fois dans l'année, une fois tous les deux ans, il empoche le pognon, terminé. Le type écrit une lettre au Bloc Identitaire en 2004, là où ça chauffe, et il dit pourquoi je suis parti au Québec? C'est simple, c'est que j'avais pas envie que ma gamine ait grandi au milieu des animaux sauvages. En gros, les racailles de banlieue, quoi. Donc chez ce mec, on peut critiquer le bonhomme. Peut-être qu'il a pas dit ce qu'il fallait, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il... Enfin. Il y a une sincérité chez le bonhomme. Quoi. Bah oui, oui. Et le pire, c'est que... On peut espérer, mais c'est quand même quelqu'un qui a été pro-Bush, alors que les Bush... Non, attends, mais toi, t'es... Là, tu vois, t'as avalé le poulet de Soralien, tu vois. À un moment, il faut aller plus loin. C'est ce qui a été confirmé par des extraits audio qui ont été... Non, attends. Moi, je suis pas là-dessus. Je suis en train de te dire, t'as un type en 98, il n'y a pas Bush au pouvoir en 98, ok? 98, c'est la France Black Blamber. Pour tout le monde, à toutes les sauces. Et lui, c'est un écrivain... Là, il est bon. Effectivement, non, mais là, à ce moment-là, il se positionne bien. C'est facile d'en faire un soutien conditionnel de Bush alors qu'il a pu une fois dans un contexte très précis le soutenir. Tu vois, ça n'a aucun sens. Oui, bah, non, il l'a soutenu pour la guerre en Irak, notamment, je crois. Ce qui est quand même très lourd comme dossier, non ? C'est pas non, très non, lourd d'être interventionniste quand on est planqué au Québec, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas. Là tu nous recraches le discours soralien. Bah non, mais c'est bah, très lourd. Discours soralien, t'es marrant, on en a rien à foutre de ça. Là, je te parle d'un fait. C'est quoi ce vieil argument? Attends. Ouais, enfin, c'est facile d'être pro-palestinien quand t'as le cul assis à Paris et que tu te sniffes du subutex, hein, tu vois. Ah oui, mais ça, je suis d'accord. Ouais, on va ouais. pas faire des comparaisons. Bah, on a qui le font. Il y en a qui le font, des comparaisons, tu vois. Donc, tu vois, c'est un type, il s'est tiré, il a continué à écrire, etc., et il s'est mouillé avec le bloc identitaire, qui était tricard chez tricard, je veux dire, parce que le monde médiatico-parisien, tu vois, quand t'écris au bloc identitaire en 2004, t'es un homme mort. Alors, pourquoi il le fait? Donc, il y a une sincérité. Alors, maintenant, tu parles de Bush, etc., et moi, j'étais contre l'intervention en Irak, donc... Non, lui, il était contre, il était pour c'est-à-dire qu'il faut comprendre un truc. C'est un type qui quitte la France. Pourquoi il quitte la France? Parce qu'il dit que c'est un pays qui, globalement, il vient de la banlieue rouge, hein, d'Antec, hein. La banlieue, tu lui expliques pas ce que c'est, le communisme, tu lui expliques pas ce que c'est, le parti communiste, tu lui expliques pas ce que c'est, comme Soral, hein. Il est au courant, le mec, il a vécu dedans. Ses parents sont communistes. Et son père est un résistant. Donc c'est un type, tu lui expliques pas le topo. Il sort de là, il va en Amérique du Nord et il dit, moi, les cocos, j'en ai plein le cul, le pro-arabisme, j'en ai plein le cul parce que je vois ce que c'est en train de pondre dans la banlieue française, tu vois, je le vois en face de moi, je ne veux pas vivre là-dedans. Le type, tu vois, il prend position pour Bush. À l'époque, le type se dit que c'est une réaction américaine face à ça, ce qui n'était pas le cas. Mais quand tu avais Chirac à l'époque, qui ne vibrait que pour le monde arabe, et que tu vois déjà, si tu veux, cette synthèse en train de s'opérer, ce qu'on a sous les yeux. En fait, Dantec, il avait un train d'avance. Il allait trop vite, Dantec. C'est-à-dire qu'il s'est dit, Chirac, il défend l'islamisme. Et l'Amérique défend les valeurs chrétiennes. Mais il n'avait pas vu le truc. Il n'avait pas vu qu'en réalité, ceux qui avaient un cheval d'avance, c'était l'administration Bush à la suite de l'administration Clinton et plus tard l'administration Obama, qui était le soutien à l'islam politique, qu'on a vu en 2011 avec avec l'appui aux frères musulmans, etc. Et lui, il s'est dit que le soutien de Chirac, qui était un soutien au panarabisme, aux dictatures arabes laïques était le vecteur, si tu veux, de l'arabisation de la France. C'est vrai que ça l'a été dans un premier temps, mais dans le deuxième temps, le vecteur le plus fort de l'arabo-islamisation, ça a été les États-Unis. Et ça, je suis désolé, en 2003, ben t'as intérêt d'être sacrément calé pour le voir venir, parce que pas moyen de savoir, mais le fait est qu'il s'est trompé. Oui, mais il s'est trompé. Bon, ouais, y en a d'autres qui sont trompés. Hein. Je ne citerai pas de nom. Hein. Mais n'empêche qu'il a vu, il avait raison sur le long terme. C'est-à-dire qu'il avait dit, voilà, on va dans un truc qui pue du cul, qui s'appelle en fait la fusion de l'Europe de gauche avec le monde musulman qui se réveille. Ça va faire un truc très très moche. Moi, j'ai pas envie de vivre là-dedans. Et quand tu lis en plus ce qu'il a écrit, et ça moi je l'ai lu sur ce qu'il a dit sur l'intervention, parce qu'il était pour démontrer t'écoutes les critiques de ce mec-là, ils ont dit que c'était inacceptable, comment dirais-je, qu'il ait soutenu le démantèlement de la Yougoslavie. Attends, les Yougo-Coco, la tyrannie communiste de Yougoslavie, c'était pas bien de la démanteler? Bien sûr que c'était bien de la démanteler, bien sûr. Ensuite, et ça c'était, il était cohérent. Le mec, il a soutenu les Serbes contre les Kosovars, alors qu'il disait qu'il fallait bousiller les Serbes quand ils étaient communistes et qu'ils opprimaient toutes les autres nationalités, croates en tête. Tu vois, le mec était cohérent quand même. Bon, donc il a évolué. Il a dit, voilà, donc moi, je condamne la tyrannie Yougo-Coco sous domination serbe, mais maintenant qu'elle est démantelée, je suis contre le fait de soutenir les Kosovars et les musulmans contre les Serbes. Et je suis pro-russe. Et quand il a fait ça, il a dit ce à quoi on est en train d'assister, c'est l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis qui sont en train de soutenir un précédent très dangereux, qui est la création d'États fantoches musulmans, ce qui va avoir un effet en chaîne au niveau global, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est exactement ce qu'ont dit les Russes, c'est-à-dire que il y a eu ensuite la Géorgie, il y a eu ensuite l'Ukraine, il y a eu maintenant la Serbie, enfin pas la Serbie, la Syrie, etc. Donc en fait, Dantec a vu juste très tôt. Simplement, il n'est pas dans le religieux de toute cette archéo-gauche stalinienne, coco, pro-palestinienne à la con, qui est en train de valider systématiquement tout ce qui peut venir du monde communiste ou du monde russe, sans aucune critique aucune, et qui critique systématiquement tout ce qui est fait depuis l'Occident. Et ce qui est intéressant chez Dantec, c'est que justement, il y avait un point de vue plus balancé, ce qui n'a pas empêché de faire des erreurs, mais en même temps, qui peut prétendre à la vérité en tout lieu et en tout temps? Et moi, et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est que les critiques que j'ai entendues des gens d'où c'est venu, quand je vois ce que eux défendent, qui est en gros la transformation de l'Europe en poubelle afro-islamique, moi, ces mecs-là, je leur crache joyeusement à la gueule, et Dantec, lui, il a eu le courage de se tenir debout, et je suis désolé, ça lui a coûté, entre guillemets, sa carrière d'écrivain. Oui, et d'ailleurs, je pense que l'écrivain était quand même plutôt meilleur qu'on le dit, parce que bon, il va pas en rester beaucoup, tu vois, des écrivains de science-fiction en France, à part Barjavel. Et il a quand même été repompé dans pas mal de films, dont le fameux film fait par la salope gauchiste Babylon Babies, qui est, enfin, je crois que ça a été adapté sous le nom de Babylon Eden. Et c'est un des premiers à avoir mis en scène quelque chose qui se fait maintenant dans pratiquement tous les romans, enfin, dans tous les films d'anticipation. C'est le mélange de l'archaïque et de l'ultramoderne, en fait. Toute cette espèce de retour au Moyen-Âge que veulent les meuses, qui est combiné avec la haute technologie, lui, il en parle depuis très très longtemps, avec l'usage des drogues aussi. Hein. Donc il a quand même eu il a eu du bourrin. Il a senti des trucs que, quand même, faut avouer, hein, beaucoup n'ont pas senti à cette période. Ils étaient vraiment quelques types qui prêchaient dans le désert. On s'est bien foutu de leur gueule, mais au final, ils avaient quand même un petit peu. Voilà, très bien, très belle défense. C'est très bien de rétablir un peu de vérité sur lui, mais n'oubliez pas quand même que sur deux trois sujets lourds, il s'est lourdement trompé, quoi. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui est globalement moite-moite, quoi. Il n'est pas. On peut pas dire non, je suis pas d'accord. Parce que d'être pro-américain, c'est grave, c'est ça que je veux dire. On va quand même pas estimer que pourquoi, c'est ça anodin. Veut dire quoi? Non, mais je sais pas, moi je comprends pas ce truc-là. Pro-américain dans le sens pro-Bush, pro-organisation américaine depuis des 15 ans, là, alors que c'est. Ouais, mais ça, c'est l'organisation. C'est faux, hein, ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, effectivement, s'est trompé à un moment, et puis qui s'est rendu compte de son erreur après, qui a vu le changement de direction de la diplomatie, enfin des affaires étrangères américaines, et dont on l'a expliqué, notamment Soral, comme étant une sorte de néoconservateur acharné, ce qui est faux. C'était un mec bien plus fin que ça, et effectivement il s'est planté à un moment, mais je veux dire, sur l'ensemble de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait politiquement, c'est quelqu'un qui, sur le fond, tu vois, était pas juste un mec qui voulait motiver des bougnoules et des nègres pour créer une favela antisémite en Europe. C'est quand même quelqu'un qui, enfin, de par le fait, à mon avis, que c'est un auteur de science-fiction, c'est quand même quelqu'un qui, malgré tous ses mauvais côtés, s'il en avait, autant que ça, avait des aspirations un petit peu plus nobles et un petit peu plus élevées que la revanche des métèques antisémites sur le territoire de l'Europe. Parce que tu vois, c'est le problème, c'est que c'est ça, en gros, c'est quoi, c'est le clash Soral-Dantec, tu vois. Et entre les deux, excuse-moi, dans le fond, et ça se voit même quand tu écoutes parler Dantec, que effectivement c'est un mec qui parfois peut-être manquait de confiance en lui quand il s'exprimait, etc. Ça se sent que par rapport à Soral, c'est un mec qui a un fond, et j'en ai parlé avec Gandalf, qui a un fond plus gentil, tu vois, et qui effectivement s'est trompé à un moment, mais qui a un bon fond, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que par moment, tu vois, il hésite, tu sens qu'il n'a pas confiance et tout. Par rapport à Soral, qui est une vraie teigne, qui est habité par l'envie de revanche vis-à-vis des Juifs, et qui, lui, est prêt à pourrir absolument n'importe quoi, n'importe comment, de tant que ça lui apporte de l'antisémitisme. Et je suis désolé, moi, entre les deux, tu as beau me dire que le mec s'est trompé sur telle question, entre les deux, je sais qui est le mec plutôt gentil qui s'est planté et le mec qui est complètement perverti, tu vois, par son délire, qui est son désir de vengeance. C'est évident, tu vois. Non, moi, c'est pas photo, tu vois. Je me positionnais pas par rapport à ce clash, même si... c'est évident, quand tu nous sors l'histoire de la guerre en Irak, c'est des critiques de... Oui, voilà, parce que c'est vrai que les premières fois où j'en avais entendu parler, c'était de la bouche de Soral. Mais après, ça s'est confirmé par des vidéos isolées de Dantec, où Dantec en parle, tu vois. Donc, c'est pas... Après, une fois que c'est Dantec qui en parle, ça n'est plus Soral qui en parle. Et le problème, c'est que ce que tu dis, ma foi, ça plaide pour Dantec. S'il a rétabli un peu de vérité dans son discours par la suite, tout le monde a le droit de se tromper. Je ne savais pas, je l'ignorais parce que j'ai beaucoup parlé depuis le début, mais j'aurais finalement pas dû parce que c'est vrai que c'est un sujet que je connais pas bien. Je connais pas bien Dantec, je ne l'ai pas lu. Donc, moi, voilà, j'avais cet avis-là sur son positionnement pro-américain. Si tu me dis qu'il avait un positionnement subtil, je vais insister lourdement sur le truc, mais faut juste pas commettre d'erreur quand on parle du truc. Dantec, le pro-américain en question, était aussi pro-russe. T'en connais beaucoup, toi, des néoconservateurs qui sont pro-russes ? Qu'est-ce qu'il disait Dantec ? Il l'a dit en vidéo, ça. Il a dit « Moi, je suis pour l'unité de tous les peuples d'origine européenne. » Ok ? C'est un discours de gauchiste, c'est le discours de Bernard-Henri Lévy, c'est le discours de Bernard Kouchner. Soral, lui, il est pour l'unité de tous les bougnoules. Contre le monde blanc. C'est une salope de traître. Je lui crache à la gueule. Dantec, il a dit « Je suis pour l'unité de tous les peuples européens qui sont pris d'assaut par l'islam. » En l'occurrence, pas uniquement, mais en l'occurrence. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Je suis pour que la Russie discute dans cette perspective, je suis pour que la Russie s'allie avec l'Amérique et je suis pour que l'Europe parvienne peut-être un jour à former un pôle de puissance en unissant les nations qui la composent. » Ok ? Ça, c'est un discours de néoconservateur. Quand lui, il prenait la défense de Bush en 2003, bon, il y a 12 ans quand même, hein, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire « je défends ce qu'il percevait ». Et quand tu lisais la presse française, c'était ce que c'était. Et ça l'était pas, mais c'était ce que c'était. La façon dont c'était représenté. L'Amérique, à l'époque, il t'expliquait, dans les médias français, et je m'en souviens très bien, l'Amérique, c'était l'Amérique protestante, évangéliste, qui allait mener une croisade contre le monde musulman sous la bannière de George W. Bush. C'était présenté comme ça. Par les médias français, sous la botte de Chirac et des socialistes. Donc, du Grand Orient et compagnie. Quelle était la réalité ? C'est que Bush était peut-être évangéliste à titre personnel, c'est certainement pas de quoi mener le gouvernement américain en son entier, et surtout, ils ont détruit les systèmes laïcs, ça a été vrai sous Saddam, ça a été vrai ensuite en Libye avec Kadhafi, ça a été vrai en Égypte, ça a été vrai en Syrie. Pour mettre qui au pouvoir ? Les islamistes. C'est une croisade évangélique, ça ? Non. Donc, ce que Dantec a sous-estimé, c'est l'état de putréfaction du gouvernement américain, qui allait beaucoup plus loin dans son état de putréfaction que le gouvernement français, qui avait un coup de retard, parce que lui, il soutenait les dictatures arabes pendant que les autres soutenaient les islamistes. Voilà. Il en a pris conscience, et ça, on en a parlé. Mais ce qu'il défendait au-delà de ça, c'était l'Amérique réelle. Et ça, c'était important. Tu vois? C'est-à-dire que ce qu'il voulait dire, et Dantec, ça explique, parce que dans le contexte, pourquoi je parle de ça, de ce que disait la presse française, c'est que dans le contexte de l'époque, dans l'état d'hystérie de la part des socialistes et des pro-arabes, Dantec, tu vois, qui essayait un petit peu de défendre son point de vue et de défendre un petit peu, tu vois, le monde européen au sens large, il essayait de dire, mais attendez, peut-être qu'en Amérique... Non, il n'y a pas que ça. Peut-être que l'Amérique, c'est autre chose et c'est peut-être le dernier bastion du monde chrétien, etc. Il avait peut-être tort. Mais c'est comme ça qu'il l'a interprété. Et il avait tort. Moi, j'étais contre la guerre en Irak, okay ? Donc, je ne le regrette pas, j'ai toujours été là-dessus. Mais moi, je suis capable de comprendre la logique de Dantec, qui était une logique de long terme et il a commis une erreur à court terme. Mais vaut mieux ça que l'inverse. Vaut mieux avoir... Moi, je comprends les deux logiques. Je comprends la logique de Dantec, je comprends la logique de Soral, je comprends la logique de tous ces... C'est l'un ou l'autre. Soit t'es pour la destruction du monde blanc, soit t'es pour sa défense. Il n'y a pas, de terme. Soit t'es pour la défense de la chrétienté, soit t'es pour... C'est voilà. En passant par des raccourcis qui oublient toutes les nuances du discours de Soral, mais on s'en fout, on va pas parler de ça. Mais il n'y a pas de nuances dans le discours de Soral. Est-ce que Soral a déjà dit qu'il fallait détruire toutes les mosquées en France? Oui ou non? Jamais. Bah non, bon. Est-ce que dira Jeannard Le Pen non plus le dit pas, il y a plein de gens qui... Non mais moi je suis pas un apologète de Jean-Marie Le Pen. Hein. Que dirait Jeanne d'Arc? Que dirait Jeanne d'Arc? Il faut maintenir tous les mosquées en France? Oui ou non? Non, mais entre toutes, bah, je pense entre toutes les bruits et toutes les maintenir, il y a forcément un gap. Il y a un grand gap. C'est quoi, de réconciliation et d'amour, c'est ça? Mais voilà, c'est tout. C'est choisis ton camp, camarade. Non, absolument pas. Exactement comme entre le projet de haine totale et le projet d'amour total, il y a un énorme gap entre le projet de la destruction de toutes les mosquées et le projet de la construction. Il n'y a pas de question de haine totale, il y a une question de chacun à sa place, et il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on défend, c'est-à-dire en admettant que tu acceptes des Arabes, des musulmans, etc., des nègres, je ne sais pas quoi en Europe, tu cherches à faire quoi? À reproduire un taudis du tiers-monde à l'échelle de la France? Je veux dire, c'est quoi le projet? C'est des raccourcis auxquels moi j'ai pas envie de parler de ce sujet. Il n'y a pas de raccourcis, c'est très clair. C'est simplement tu défends l'invasion ou t'es contre l'invasion, c'est tout. Et Jeanne d'Arc, elle te dirait. Quand on est contre l'immigration, on est contre l'invasion de fait. Être contre l'immigration, ça suffit en soi. Non, ça suffit pas, t'es clair. Comme disait Jésus, un oui est un oui, un non est un non. T'es pour l'islam ou t'es contre l'islam? Point barre. T'es contre l'islam si t'es chrétien, c'est tout. Tous les chrétiens qui se disent chrétiens et qui vont défendre l'islam, c'est des apostats, ils sont déjà plus chrétiens. Point à la ligne, tu vois. Et quand t'as des mecs comme Soral, parce qu'il faut bien en parler, parce que ça a été un des vis-à-vis les plus importants face à Dantec, de lui-même, qu'il a voulu, hein, qui vient dire qu'il lui il se dit chrétien. Il est chrétien, Soral? Il est chrétien, ce mec-là? Bon, il faut arrêter un peu le tir, quoi, je veux dire. Bah, je crois qu'il a dit français sans peur, chrétien sans reproche. Je crois que c'est ça. Oui, ça coûte rien de raconter des conneries. Donc, il faut arrêter un peu le tir, quoi. Je veux dire, ces mecs, ces types-là, moi, je veux dire, ok, ils sont dans leur logique, ils défendent leur camp, etc. C'est formidable. Okay. Je pense qu'ils ont de l'argent à toucher. Simplement, quand on est un peu honnête, eh ben, on est du côté du juste. Et je suis désolé, entre Dantec et Soral, où est le juste? Du côté de Dantec, quoi qu'il arrive. Et Dantec, il est mort isolé, en Amérique du Nord, sans courtisan, avec... Il n'est pas en train de vendre des livres sur contre-culture, quoi. Hein. Ouais, enfin, avec des gardes du corps musulmans, tu vois, qui sont proches de l'Iran. Hein. Voilà, je me fais comprendre. Ouais, j'aurais voulu dire un truc, si c'est possible, sur Dantec. Alors, sans rentrer dans la polémique hein, que vous avez développée, mais il y avait un truc qui m'intéressait quand j'ai regardé une vidéo de lui à la suite de sa mort, une vidéo que j'avais vue à l'époque aussi, peut-être au moment d'ailleurs de ce clash-là. Mais donc c'était sur un plateau donc de télé avec Fogg, Gisbert, et puis avec Jean-François Kahn qui lui disait que la France était très bien, etc. Bon bref, sans rentrer dans ce débat-là, lui disait moi je suis un déclinologue, c'est-à-dire je crois que la pensée de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle ou de Basile de Césarée vaut bien mieux sur le plan moral que nous à l'heure actuelle. Et ça, j'avais trouvé ça assez frappant puisque donc je n'ai pas lu non plus ses livres, je dois avouer. Mais donc il a, semble-t-il, réfléchi sur la science-fiction, c'est-à-dire sur le futur de l'humanité, donc sur le futur technologique aussi. Et il a, semble-t-il, donc distingué deux choses, le progrès au sens technologique et le progrès contestable au sens moral. Et je trouve, moi, que dans l'idéologie dominante qui cherche à nous détruire, il y a justement une sorte de confusion des deux. Enfin, on nous fait croire que tout progrès, toute avancée dans les mois, les années, etc., correspond aussi à un progrès moral, c'est-à-dire que les gens, en 2016, seraient plus ouverts, entre guillemets, selon leurs termes, qu'en 1905. Donc plus ça va et mieux c'est, plus ça va et plus on est tolérant ou on devrait l'être, plus ça va et plus il y a les droits de l'homme, les droits des femmes et toutes ces conneries, les droits des homos, que sais-je encore. Et lui, semble-t-il, ça mériterait d'être peut-être un peu creusé et de mettre ça en parallèle avec ses bouquins, mais on dirait qu'il avait distingué les deux, puis moi je trouve ça assez juste de dire que dans la philosophie, dans la pensée morale. Il y a des choses très loin dans l'histoire, mais qui sont sublimes, qui sont bien écrites et qui correspondent à une véritable authenticité morale à l'heure d'aujourd'hui où on a une prétendue paix civile menacée par les choses dont on a parlé aussi, mais une sorte de confort dégueulasse et de soi-disant de défense des minorités ou que sais-je encore, qui est une pourriture à ciel ouvert. Oui, en fait, tu veux dire qu'il n'y a pas d'équivalence entre le progrès technologique et le progrès moral, tout simplement, le progrès philosophique, et que des gens qui vivaient il y a 8 siècles en avant étaient peut-être moralement beaucoup plus avancés que les gens qui sont aujourd'hui à l'avant-garde de ces sociétés, en arguant du fait que bon, ben voilà, la technologie est là et que ça leur donne raison et point barre, quoi. Tout à fait, c'est exactement ce que je souhaitais exprimer. Oui, aujourd'hui, on a plus de confort, on peut regarder tel match de foot avec 20 degrés dans son canapé, avoir du temps libre, mais peut-être que les gens qui n'avaient pas ces conditions technologiques, je me répète, il y a à l'époque dont on parle d'Antec, Saint Thomas d'Aquin ou même il y a un siècle, avaient davantage de vertus sur tous les plans, moral notamment, mais aussi physique d'ailleurs, familial, etc. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet-là ? Pas spécialement ? Non, je pense que, enfin, on a fait le tour. Moi, en tout cas, j'ai lu seulement des bribes et des prises de position politiques. Je n'ai pas lu ces, je ne peux pas m'exprimer sur la qualité de ces romans. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste ces prises de position en public, etc. Et ce qu'il a subi par rapport à ça. Et c'est évident, de toute façon, c'est évident dans le traitement qui en a été fait que c'était quelqu'un qui avait un talent d'écriture et qu'on a été un peu embarrassé de le mettre au placard, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Hein, mais il pouvait pas faire autrement parce que ses prises de position n'arrangeaient pas, hein, n'est-ce pas? Bah, c'est-à-dire que tu vois, moi je pense que Dantec, s'il arrive avec 10 ans de moins maintenant et plus d'assurance, il fera un carton énorme, là, tu vois. Tu vois? C'est possible. Et voilà. Mais bon. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est la fameuse émission où il est face à Malek Chebel, et où en fait, il raconte des choses qui sont absolument vraies, enfin, d'un point de vue historique, et que la raclure Chebel l'agresse en fait. L'agresse sur le ton « vous ne savez rien ». Et en fait, il savait très bien, simplement il n'avait pas assez d'assurance pour poser ses opinions avec un plan. Bah, quand on voit un Malek Chebel, on a juste envie de lui foutre 2 claques dans la gueule en même temps. C'est une réponse un peu plus virile, mais on pouvait pas à l'époque. C'est une femme de lumière, Malek Chebel. Il passe assez souvent chez Brigitte Lahaie. Ouais, mais bien sûr, mais l'islam des lumières, je veux dire, moi je suis pas là. De toute façon, moi, ma réponse de chrétien est simple, c'est-à-dire que moi, l'islam des lumières, l'islam modéré, l'islam démocratique, l'islam des caves, le wahhab, j'ai rien à branler, de toute façon, c'est une fausse religieuse, c'est une secte. Point barre. Donc en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à voir, tant qu'ils font pas chez moi. Point barre. Je veux dire, je suis pas là pour rentrer dans le débat. L'islam républicain, c'est un débat daté. Tu vois? De gens, tu vois, qui veulent un islam qui s'accommode à eux. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je dis de toute façon, vous avez rien à foutre chez moi. Tu vois? C'est simple comme concept, hein, tu vois? Je veux dire, en Arabie Saoudite, t'as envie de caillasser ta femme parce qu'elle a pris les clés de ta bagnole pour aller faire les courses? J'ai aucun problème avec ça. Tu vois? Rien à foutre, fais ce que tu veux, c'est ton problème. Allez, vas-y. Voilà, et voilà. Moi je suis très libéral, tant que tu fous pas la merde chez moi, tant que tu fous pas les pieds chez moi. Point barre, tu vois. Nous on essaye de concilier l'inconciliable, tu vois, c'est ça ce truc en berlificoté là, tu vois, du démocratisme pluraliste, ça ne mène à rien. C'est comme disait notre ami Laurent, c'est-à-dire, c'est quoi le projet, quoi? C'est foutre un nègre avec un mec à 152 QI d'origine scandinave, plus un musulman, tu vois, qui pue des pieds, qui fait le jeûne un mois dans l'année. C'est quoi le truc? Où tu veux en venir, quoi? C'est que tu veux faire une civilisation avec ça? Tu feras rien avec ça, tu vois. Donc, clarifions les choses. Tu te casses. T'es un nègre, t'es un bougnoule, tu te barres et tu vas jeûner au fin fond, tu vois, du Congo. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi? Tu fais ce que tu veux et tu viens pas nous polluer, tu vois. L'Europe, c'est une petite péninsule, finalement, à l'échelle du globe. Nous, on a développé une civilisation extraordinaire, tu vois, à tout point de vue. On a conquis l'espace, on a conquis la lune. Et Je veux dire, on aura conquis Mars, le système solaire, que les nègres sont encore le cul dans la terre au fin fond, tu vois, du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on en a à foutre tant que ces gens ne viennent pas nous polluer racialement chez nous. C'est tout. Je suis très libéral, moi. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Très ouvert d'esprit, moi. J'adore l'islam. L'islam, c'est fabuleux. Tant qu'on m'en parle pas, jamais, sous aucun prétexte, sous mes latitudes. Tout va bien. Tu vois, c'est ça l'idée. Bon, est-ce qu'on conclut là-dessus? Ou bien est-ce que tu discrimines un peu et que hein, si on pouvait mettre un ou deux Africains dans l'espace, quand même. Hein. Ah, mais on a déjà envoyé des singes, c'est bon. C'est pas faux ça. C'est pas faux. Est-ce que c'est bon pour cette semaine? Est-ce qu'il y en a déjà eu assez pour tout le monde? Ou bien bah, je voulais en vitesse aborder le sujet de l'ADL, donc aux États-Unis, c'est l'Anti-Defamation League, c'est un petit peu l'équivalent du CRIF ou quelque chose comme ça. Le CRIF ou la Ligue? Qui, comme à son habitude, parce que c'est vrai que c'est quand même une habitude hein, rapportée, mais alors là, c'est les incidents antisémites ont doublé. Notamment sur les campus universitaires, qui constitueraient plus de 10% de ces incidents, de ces attaques. Alors, il y a des attaques antisémites sur les campus américains. Donc voilà. Attends, je vais juste poser la question. Tu clarifies. Les 10% d'agressions, c'est sur les campus ou bien c'est 10% d'agressions sur les campus? Non, comment dire, les agressions sur les campus universitaires constitue plus de 10% du total des agressions. Ce qui est très... ça n'est pas caractéristique. D'habitude, c'est... En gros, il doit y avoir zéro agression antisémite sur les campus universitaires, tu vois. Alors après, qu'est-ce qui est répertorié comme agression? Je sais qu'il y avait eu une campagne de... Comment dire? D'impression, hein, par piratage des imprimantes dans les écoles. Avec des tracts pour un certain site sympathique américain. Est-ce que un tract est une agression antisémite? Je ne sais pas. Ah bah oui, évidemment, bien sûr. Ah oui, ça fait pas l'ombre d'un doute. À leurs yeux, hein. Oui, je pense que c'est peut-être, ouais. Ça doit peut-être venir de là aussi. Hein. Oui, tu multiplies les tracts et t'as le nombre. Voilà, tu as la foi, 6 millions de tracts. Enfin, continue Laurent. Ah ben non, je voulais juste attirer votre attention là-dessus, et je pense que les juifs américains commencent à voir un petit peu, comme en France, ils ont pu le constater, n'est-ce pas, avec Mohamed Merah, avec l'hyper-cachère, commencent à voir, ça porte les fruits de tout leur soutien à l'immigration, notamment musulmane, parce qu'effectivement, il y a une immigration musulmane maintenant aux États-Unis, on en a parlé la dernière fois, mais voilà. Les juifs commencent à voir, si vous voulez, le rêve multiculturel se réaliser, n'est-ce pas? Et le rêve multiculturel alors, a l'air de leur être particulièrement sympathique et accueillant. Hein. Donc voilà, je crois que maintenant, ils peuvent se féliciter, applaudir, tout ça, c'est bon. Mazal tov, comme on dit. Bravo au génie juif d'avoir supporté l'immigration. Ah oui. L'immigration donc du tiers-monde, qui, allez savoir pourquoi, se reconnaît dans le palestinisme ambiant, parce que le kéfier, la pierre, tout ça, ici, parce que ça passe par là en fait, en général. C'est vrai sur les campus américains que j'ai l'impression que ça passe un peu par là, c'est un conducteur ça quand même, de l'hostilité aux juifs sur les campus. C'est-à-dire que ça passe pas par de l'antisémitisme, c'est pas de l'antisémitisme de blanc racial, juif, quoi, je ne sais quoi. C'est vraiment oui, racisme, ouais. C'est de l'antisionisme, quoi. Ça part de l'antisionisme, c'est-à-dire qu'ils ont importé des métèques, des musulmiques, etc., etc., des tiers-mondistes, hein. Il y a beaucoup de tiers-mondistes qui sont naturellement antisionistes, parce que la Palestine, voilà, et donc ça finit par faire des gens qui quand même nourrissent un certain ressentiment vis-à-vis de la communauté. Ça, en fait, ça commence avec un Palestinien qui s'est pété un bras au fin fond de quelque part, enfin je sais pas moi, de Sderot, enfin non pas Sderot, parce que c'est une colonie juive, mais... c'est une ville juive, mais disons Ramallah, c'est une ville palestinienne. Mm-hmm. Bon, Donc il y a un Palestinien qui se pète un ongle à Ramallah, il y a un écho quelque part dans une université américaine, tout d'un coup les nègres se coagulent, plus tous les basanés du secteur, et il faut libérer en fait... C'est ça. Libérer le... et puis ça finit, on va aller savater la fraternité juive du campus. Ça, non mais ça va finir comme ça de toute façon, c'est-à-dire que... Les mecs, ils ne savent pas s'arrêter, hein. Ils ne savent pas s'arrêter. Tu veux dire les nègres? Les nègres, ah bah les nègres, non mais et les juifs, parce que les nègres ne savent pas s'arrêter, mais les juifs ne savent pas s'arrêter d'importer des nègres quelque part. Donc tu veux dire qu'ils vont importer les futurs gardiens de camp à rythme doublé, triplé, quadruplé, quoi. Alors gardiens de camp, je ne sais pas, mais oui, les Mera, les Koulibaly, enfin toute cette faune exotique, n'est-ce pas, qui n'a que de l'amour pour la communauté, pour les guirlandes, voilà. Ceux-là, ils les importent, il n'y a pas de problème. Hein. C'est très intelligent, d'ailleurs. Bravo. Bah, bonne chance, les mecs. Hein. Ça va risquer de... Il y aurait une sorte de justice immanente qui serait à l'œuvre. Bizarre. Oh, je... le problème, tu vois, d'un scénario comme ça, c'est qu'il n'y a personne qui gagne dans l'affaire. Le problème, c'est que, je sais pas, il y avait une sorte de dessin animé qui avait... Je ne sais plus à quelle occasion il était sorti... C'est que ça finit dans une poubelle avec un nègre qui donne des coups de massue à tout le monde sur la tête, et à la fin il y a le nègre qui fait ouga bouga sur un monceau de détritus, quoi. Et c'est tout. C'est ça, à la fin c'est ça. Hein. Donc, comme il n'y a plus de blanc pour le nourrir, à la fin il crève tout seul. Quoi. Il crève voilà. De faim, quoi. Oh, putain, ou alors il chope une maladie bizarre en enculant un singe. Oh là là. Et c'est la fin de l'humanité, voilà. Sur cette note, cette note, ouais, c'est, bah, hein, c'est la fin de l'émission aussi, tu vois. C'est la fin de l'émission aussi, tu vois. Oui, c'est la fin de l'émission là, du coup. Pour bon, bah, écoutez les gars, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. On vous dit à la semaine prochaine alors, du coup. Ouais, oui, à la semaine prochaine, Sig Heil et tout ce qui va avec. Ouais, je pense que de toute façon, je vous pose la question. Pour conclure, mais il y a peu de chances qu'il y ait moins de nègres en Europe et en Amérique. Ah, ça va être difficile. Hein. Ouais, et moins de bon boulot au sens large. Bah ouais, et les gauchistes n'ont pas tendance à réduire. Donc ouais, bah on est là pour la semaine prochaine alors. Bon, allez, à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. Salut. À plus.